Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver sur Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 37. Sans transition, les rappels traditionnels de notre émission. Premièrement, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous soutenir, nous faire des dons par crypto-monnaie exclusivement en recourant à Monero. Le guide explicatif de l'utilisation de Monero est présent sur le site de democratieparticipative.tw, que vous connaissez bien sûr. Il est sur la droite du site, tout est expliqué. C'est grâce à vous, c'est grâce à nos lecteurs, à nos auditeurs, que nous pouvons continuer à informer, réinformer, analyser, critiquer et rire ensemble, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas chez nous, on ne peut pas recourir au système de financement par régie publicitaire qui sont présents sur tous les sites d'information que vous connaissez probablement. Bien évidemment, on ne peut pas non plus utiliser les moyens de paiement traditionnels, c'est tout à fait clair, carte de crédit, PayPal et autres. Donc c'est vous qui nous financez et c'est grâce à vous que l'aventure peut continuer. Merci à tous ceux qui le font. Soit qui viennent nous parler directement, soit qui restent anonymes, on les en remercie. Et par procuration, les auditeurs qui apprécient ce qui est fait ici, et les lecteurs qui apprécient aussi, les remercient. Parce que c'est grâce à eux que ça peut continuer. Alors, un don cette semaine, conséquent d'ailleurs, en tout cas, un don dont nous avons eu écho, c'est... Alors, il se fait appeler... désormais le maître nageur d'Auschwitz, c'est un nom original. Alors, vous avez reçu un don de 4 Monero pour aider à encourager la courageuse équipe de DP. Un petit big up au nouveau Titus, un intervenant de qualité avec un micro qui l'est tout autant. J'en profite également pour confirmer la véracité de l'article sur les profs. Né d'un couple de profs boomers, je confirme la reproduction sociale, mes deux sœurs profs, elles aussi, sont mariées à des profs. Pas de pute. Ah, l'horreur. Pas de putain nègre, cependant, l'honneur est sauf. Je nuance toutefois sur le côté égoïste de ceci. Mes parents ont beaucoup donné à leurs 4 enfants et continuent toujours à aider autant qu'ils le peuvent. On va dire que ce sont 2 bons boomers. Il y en a, et il faut le signaler, honneur doublement, sauf grâce à l'enfantement d'un sympathisant nazi en ma personne, même si au national-socialisme, je lui préfère le racial-socialisme. Version plus actuelle et nécessaire de la politique qu'il souhaite voir pour la préservation de la race blanche. Il nous dit à bientôt, ce maître nageur d'Auschwitz. Merci à toi, maître nageur. J'espère que tes élèves font de la brasse. Vous avez une belle piscine à Auschwitz, quand même, faut-il la rappeler. Donc, merci à lui. Présentation des membres de la semaine. Nous sommes 4. Et je vais commencer avec MacDav, qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous pour cette émission. Salut MacDav. Salut Gandalf, salut à tous ses amis. Nous avons aussi cette semaine de nouveau Titus, qui nous fait le plaisir de participer. Il se familiarise progressivement avec l'équipe et il apporte. J'ai bien aimé ta participation la semaine dernière, je dois le dire aussi. Salut Gandalf, salut Derek, salut MacDav, hein, c'est un plaisir d'être à nouveau aujourd'hui avec vous. Ben, tant mieux, tant mieux. Et enfin, Derek est là, l'intercesseur, le prêtrissime. Cardinal. Cardinal. Comment, votre excellence, comment allez-vous? Ah, écoute, là, nous allons très bien, nous allons très bien. L'Éternègre est en très grande forme, encore une fois. Hein, oui. L'Éternègre sera dans la semaine qui arrive au rendez-vous de la droite. Ah bon, ouais, je ne demande qu'à voir ça. J'ai vu des faits récents qui m'encouragent en tout cas. Ils sont présents sur le site et je vois l'esprit agir, ça me fait plaisir. Alors messieurs, sans transition aucune, car nous avons beaucoup de choses à aborder durant cette émission. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors, vous savez, la rubrique fluctue en densité. Je dois dire que je reçois beaucoup plus de témoignages que je ne peux en passer, donc je m'excuse auprès de ceux dont les témoignages ne passent pas. Ils ne sont pas perdus, ils sont conservés, et le cas échéant seront lus lors de prochaines émissions. Donc c'est toujours un petit peu délicat de choisir, et en tout cas, cela ne signifie pas que si vous nous avez envoyé des témoignages, vos témoignages n'ont pas de valeur, pas du tout. Simplement, il faut bien choisir. Donc, je commence sans transition aucune avec le premier courrier. Ça commence comme ceci. Chers camarades démocrates, avec un K pour camarade, j'ai longtemps hésité avant de vous écrire, mais sachez que je suis votre émission et consulte votre site avec assiduité. Je dois même confesser devant l'Éternègre que je retire de sa fréquentation de grands plaisirs coupables dans la dystopie arc-en-ciel chiasseuse qui nous est imposée. La démocratie participative impose le rayonnement de son astre triomphant avec une légèreté, une liberté de ton et une impertinence qui font honneur à l'esprit français. Je parle évidemment de ce qui fut un jour la France, dont vous perpétuez le souvenir. Bon, pas d'excès de pessimisme. Je souhaitais réagir par quelques lignes de sociologie de terrain à la suite de vos publications sur l'éducation nationale, et notamment celle du courrier de ce professeur suisse dont j'aurais pu paraffer chaque ligne, notamment en ce qui concerne les formateurs, sinistres personnages que mes rêves placent dans des rizières et sous le regard cruel de Khmer blancs armés jusqu'aux dents. Oula, ça, je vous cache pas que j'ai des frissons, là. Que j'ai la chance de très bien connaître, puisque j'y officie depuis une décennie, en tant que missionnaire affecté à l'alphabétisation des nègres. Je tâcherai de donner le moins de renseignements permettant de me repérer, car le simple fait de connaître vos œuvres est sans doute, dans mon cas, passible des galères, même si concrètement, je vous l'expliquerai plus tard, un prof ne risque rien ou presque, même s'il est déviant. Sachez toutefois que si j'ai commencé, comme beaucoup de mes collègues, dans une réserve de sauvages, j'ai pu m'extraire après quelques années et enseigne désormais dans un établissement plutôt correct de la France rurale au sein duquel les gens marrons sont encore très minoritaires. Et oui, au sein même du QG opératif de la satanerie cosmopolitique, quelques démocrates participatives œuvrent dans l'ombre et tentent, dans la plus grande clandestinité, de sauver leur peau et le cerveau de quelques enfants. Cette tâche est d'autant plus héroïque qu'elle a lieu en territoire hostile, cernée que nous sommes par les commissaires politiques que l'institution élève en batterie et par la toujours plus abondante progéniture des ingénieurs multicolores, que les sales trotskistes, experts en entrisme, en prennent de la graine. Nous aussi, nous pouvons venir nous enquister au cœur de l'État. Avant de commencer mon tour d'horizon, deux choses pour peut-être vous rendre le sourire. Tout d'abord, la place n'est pas encore unanimement acquise aux idées délétères du réseau Éducation sans frontières et des psychotiques obèses à cheveux bleus. Il est évident que tout ce que le monde contemporain propose de plus dégueulasse fait l'objet d'une publicité outrancière au sein de l'éducnat, mais la résistance existe, est possible, et même assez efficace localement. À titre d'exemple, 90% des démocrates participatifs de mes connaissances enseignent dans le public, et le nombre est de près d'une dizaine de personnes, ce qui représente un pourcentage ridicule, certes, mais qui n'est pas tout à fait négligeable. Il est suffisant pour jouer la mouche du coche en réunion et pour briser l'unanimisme écœurant que tentent de faire régner les sales gauchistes. À défaut d'être des radicaux, il existe également toujours au moins deux ou trois individus sur une moyenne de 50 profs par établissement qui trouvent que les juifs et leur culte morbide des abat-jours nous emmerdent, que l'école française est un zoo à primates et que les fiottes commencent à casser les couilles avec leurs mœurs dégénérées. Et cela, il ne leur faut pas grand-chose pour basculer. Hélas, le reliquat forme une masse homogène que sa passivité et sa couardise placent sous la coupe des manipulateurs pervers, lesquels, pour des raisons politiques et anthropologiques évidentes, trouvent rapidement place aux postes administratifs et aux instances de contrôle. Une idée à laquelle je voudrais cependant tordre le cou est la suivante. À part quelques boomers particulièrement enragés et un nombre très faible de syndicalistes rabiques, les professeurs ne sont pas des militants, ce sont juste des cons. Ils sont à l'image de la société tout entière, très ramollis et suivistes. Ce sont réellement des fonctionnaires, le fait qu'ils soient issus en grande majorité des cohortes d'élèves aux résultats corrects à excellents les fait se comporter comme des premiers de la classe. Ils cherchent avant tout à plaire à l'institution, à ne pas créer d'esclandre, et en cela ils se couchent littéralement devant toute initiative venue de la hiérarchie, surtout si cette dernière a obtenu l'imprimatur du camp du bien. Et surtout, ils sont mus par la trouille. Les titularisations, comme le montre votre correspondant helvète, s'obtiennent après une année de stage humiliant au cours duquel on terrifie les aspirants en les menaçant constamment de renvoi, car dans les faits, c'est la seule occasion que possède l'institution de se débarrasser d'un professeur. Des centaines de milliers de pétochards obsédés par leurs acquis et leur niveau de vie, voilà la gueule des révolutionnaires. Certains aiment bien se donner de l'importance sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont passé leur vie à jouer au schtroumpf à lunettes et à en obtenir des bons points. L'hyperféminisation de la profession majore le phénomène. Aussi, rien de moins intéressant et de plus conformiste qu'une salle des professeurs. Il est d'ailleurs assez jouissif de savoir ces milliers de petites bourgeoises flagorneuses ayant passé toute leur vie à l'écart des problèmes en léchant les bottes, quand ce n'est pas les bites, de leurs profs, à peine sortis de la fac, être envoyés sur la ligne de front dans les banlieues ethniques où, à défaut de réaliser l'ampleur du problème qui gangrène notre nation, elles chercheront dans la sociologie de Bourdieu et les antidépresseurs des explications au bolossage frénétique dont elles sont les victimes plus ou moins consentantes. Comment se compose une salle des profs type ? En général, on trouve deux ou trois personnes réellement très engagées politiquement, à gauche bien entendu. Ils sont syndiqués, voire délégués syndicaux. À ce jour, je n'ai pas, malgré mon expérience, de statistiques fiables sur la répartition disciplinaire de ces cafards, ayant vu à peu près de tout. Les plus tarés sont les délégués de Sud, également ceux qui pratiquent le flicage et le fichage le plus méticuleux. Il faut s'en méfier comme de la peste rouge. Le SNES, aile gauche du PS, équivalent prof de l'UNEF, a accompagné avec enthousiasme, comme le SGEN, équivalent CFDT centre-gauche, toutes les pires réformes et avancées dont l'objectif semi-avoué était l'abrutissement progressif du peuple autochtone et son alignement sur les standards intellectuels du Congo après l'indépendance. Ces organes de négrification accélérée ont pesé de tout leur poids afin que, lors de la crise des gilets jaunes, les profs ne se joignent pas à la mêlée. Songez qu'au moment où la plus grande crise sociale du pays depuis 50 ans agite, ce même pays, une réforme des lycées est passée sans aucun problème, aucun défilé d'ampleur, rien à part la rétention de 3 ou 4 notes de bac par des boomers profs de philo. La plupart des syndiqués sont affiliés à ces deux organismes de damage control. Ils ne croient en rien, n'ont aucune idée ni idéal, mais pensent que ces organismes les protégeront en cas de pépin. Au fond, ce sont des structures mafieuses qui, pour prospérer, ont trouvé malin d'organiser une insécurité contre laquelle ils prétendent prémunir ceux qui les paient. Cependant, les syndiqués sont tout à fait minoritaires dans une salle de prof, et en gros, 70% des enseignants sont simplement des connasses, vaguement féministes, vaguement écolos, vaguement de gauche, parce que la télé et le monde ont dit que c'est ainsi que pensaient les intellectuels. C'est également un univers où l'esprit femelle dicte toutes les conduites. Les professeurs sont laxistes, extrêmement lâches, spécialistes par exemple du dépôt de plainte retiré pour ne pas désavantager Youssouf, Mohamed, Fatoumata, et tout à fait incapables d'admiration pour tout ce qui élève l'âme. J'ai souvenance des moqueries endurées par un collègue qui avait eu la fantaisie de parler d'un roman russe du 19e siècle qu'il avait dévoré. La composition générationnelle dépend du lieu où l'on est affecté. La coloniale, bahut implantée dans les enclaves halogènes de la République universelle de France, est composée de jeunes. Je n'ai pas les statistiques exactes du taux de démission, mais selon mes informations, il est en constante augmentation. Certains nouveaux titulaires se cassent le jour même où ils apprennent leur affectation. On veut bien vendre le bamboula à la ménagère, mais de là à devoir l'instruire en meute, il y a un pas que bien des idéalistes ne veulent pas franchir. Plus les établissements sont favorisés, plus la proportion de boomers bouffis d'arrogance augmente. Comme d'habitude, ces rats savent se planquer, c'est la seule activité dans laquelle ils excellent. On parle aussi beaucoup de la consommation de psychotropes des professeurs. Ce n'est pas une légende. Dans les collèges dits sensibles, les enseignants engobent des quantités invraisemblables. Et à l'autre bout de la chaîne, les bahuts socio-culturellement favorisés, en gros ceux qui scolarisent une majorité de blancs, dont les parents appartiennent à la classe moyenne supérieure, sont des dépotoirs où viennent s'échouer des boomers cabossés, en fin de carrière, dont la santé est tellement merdique qu'elle a motivé un dossier médical permettant d'octroyer à l'épave en question plus d'un millier de points à jouer à l'occasion des mutations. Vous voyez le tableau. À noter que devant le désastre, le ministère n'a rien trouvé de plus malin que d'utiliser le personnel titularisé remplaçant comme rustine dans les établissements les plus crapuleux pour les arrêts de courte durée, les remplacements de longue durée étant réalisés par des contractuels totalement incompétents, profs de maths nuls en mathématiques, profs de français incapables de connaître un attribut du sujet, etc. Les contractuels fuient les collèges et lycées dans les Bantoustans, et vu qu'ils ont le choix d'accepter ou de refuser l'affectation, au contraire des titulaires fonctionnaires, ils ne s'en privent pas. Ainsi, tous les bahuts sont certains d'avoir soit des élèves de merde, soit des profs de merde. C'est pas beau la République ? Vous avez donc entièrement raison lorsque vous appelez l'éducation nationale un cancer. La masse de crétins demi-savants qui la compose est mue, de par son nombre pléthorique, par une puissance d'inertie formidable. À supposer même que les cancrelats militants quittent le navire, le truc serait entraîné par son seul mouvement initial, et ce mouvement porte à gauche toute. Il en va de même dans la police, d'ailleurs. Néanmoins, je pense qu'il est aujourd'hui pour quelque temps encore plus facile de survivre en tant que déviant dans cette institution, une fois la première année de stage pratique effectuée sous le regard inquisiteur des commissaires politiques affectés à cette tâche, qu'il y a, par exemple, 50 ans, car la férule du Parti communiste qui connaissait bien son affaire en matière de surveillance, de chaperonnage des consciences, de coups fourrés et de délations perfides, a totalement volé en éclats. Aujourd'hui, à part les idéaux mollassons de la social-démocratie, les profs n'ont plus de cause commune véritable, si ce n'est leur portefeuille et les gris-gris de l'antifascisme institutionnel, ni ne sont plus subordonnés à aucune autorité centrale. Que doit faire un camarade démocrate qui aurait choisi d'enseigner dans le public ? D'abord, se féliciter d'être au front, car le début de sa carrière lui donnera sur l'état de la France un balcon privilégié. On est vraiment, vraiment aux premières loges, et contrairement aux flics, on n'a ni matraque ni flingue pour discipliner les primates. Un démocrate participatif sérieux verra là l'occasion de confirmer tout le bien qu'il pense du mondialisme et saura tirer de cette situation bien des leçons utiles pour la survie dans la jungle. Mais il lui faudra aussi être plus malin que les singes qu'il enseigne, car les pièges existent. Les commissaires politiques les plus caricaturaux sont les enseignants de langue, en particulier les professeurs d'espagnol qui utilisent chaque occasion pour rejouer la guerre d'Espagne, Derrick, je pense à toi, et faire triompher la racaille républicaine. C'est une manie. Les enseignants d'anglais sont également nuisibles. Ils sont en effet les avant-postes de l'impérialisme californien et de toutes les doctrines des empoisonneurs depuis venus d'outre-Atlantique. Certains, en 2019, font encore cours sur l'apartheid, c'est vous dire s'ils sont progressistes. Les salles de profs comptent également les grands prêtres de la mémoire, les professeurs d'histoire-géographie. Quand on a de la chance, ils restent discrets. Quand on en a moins, ce sont des tours opérateurs maniaques organisant chaque année la déportation de centaines d'enfants à Auschwitz pour plaire aux Juifs. Il va de soi que ces pèlerinages sont plus fréquents à mesure que les enfants sont blancs, les Arabes ayant tendance à ne pas respecter le silence requis par nos maîtres lorsqu'ils sont mis en présence de l'indicible et des saucisses au cyanure. Les femmes sont particulièrement chiantes et perméables à l'idéologie officielle, à vrai dire je n'en ai rencontré qu'une qui fut de droite et s'offusqua par exemple que ses collègues eussent repris les diatribes anti-Trump qui sont monnaie courante dans notre asile psychiatrique public en 10 ans. Tous les cerveaux solides et conscients sont, ici comme ailleurs, masculins. Très curieusement, les plus fascistes se comptent non dans les disciplines scientifiques, mais chez les professeurs de littérature et de français, en particulier chez les fantaisistes, qui aiment la littérature patrimoniale, ont le sens du passé et le goût des belles choses. J'ai également eu la surprise, plus de fois, de croiser des collègues d'histoire que le port de la chemise brune n'indisposait pas trop. Il faut donc guetter ceux qui aiment le savoir, sont intellectuellement solides, possèdent une culture assise et de la curiosité. En général, ils sont au minimum réactionnaires. Ils sont, hélas, de moins en moins nombreux. Avec la baisse du niveau des concours de recrutement, le personnel enseignant tend de plus en plus à ressembler à un conclave d'animatrices de colonies de vacances ou d'assistantes sociales. Certains passent toujours au travers des mailles du filet, il faut juste être malin, connaître le langage de l'ennemi et faire semblant quand il regarde. Il n'y a pas plus facile que de berner un sale gauchiste, il suffit de bredouiller deux ou trois trucs cons qu'on a entendus sur France Inter. Souvent ça suffit pour amadouer le gentil toutou. La conversation des infirmières scolaires prodigue également de sérieux renseignements en la matière, des éléments de langage dont on peut se servir à son profit. Les professeurs de mathématiques en règle générale, de ce que j'ai pu observer, sont rarement des gens intéressants. Ils sont le plus souvent très dociles et suivistes, donc globalement socialistes. Ceux qui enseignent des sciences naturelles sont en général du même bois, quoique, de plus en plus, ils intègrent dans leur enseignement les mensonges des sciences sociales et leurs foutaises hystériques sur le genre. Reste à régler la question des métèques. L'éducation nationale est blanche à une majorité écrasante. On trouve quelques bronzés qui sont loin d'être les collègues les plus casse-couilles. Ce sont parfois des gens issus du privé qui en viennent à enseigner des disciplines scientifiques et ou techniques en tant que contractuels. Ils viennent bosser et gagner des ronds, pas prêcher la bonne parole. Cela dit, ces dernières années, on voit quelques rats pointer le bout de leur nez, en particulier dans le domaine des sciences économiques et sociales. Je me réjouis personnellement de l'intrusion, je l'espère massive, de profs de sociaux indigénistes dans les prochaines années. On risque de rigoler. Pour terminer, que risque un professeur déviant? Il y a quatre choses à éviter. Les commentaires racistes, le révisionnisme historique, la contestation du droit à l'avortement et les violences sur élèves. Or, cela, tout est quasiment permis. Et en étant malin, il est possible de faire fléchir les élèves et de proposer des pistes de pensée non consensuelles. Le tout est d'être capable d'enrober un peu l'ensemble. J'ai quelques collègues qui se sont permis d'aller très loin, qui ont été attrapés par la brigade et qui n'ont pas eu un blâme, parce qu'ils furent assez intelligents pour se couvrir et se défendre. Dans la mesure où l'on ne décide pas de démolir les grands tabous à coups de barre à mine en classe, bien des choses sont permises. Alors oui, c'est l'enfer absolu, mais on peut y survivre, et il est, au cœur du maelstrom gauchiste, des esprits altiers qui tiennent bon. Mes salutations participatives, et encore merci d'être là, et c'est Claudius qui nous fait le plaisir de nous écrire. Hein. Un camarade à toi, probablement, cher Titus. Alors, Fulbert nous a rejoint, je le salue, ça me fait plaisir de l'avoir. Messieurs, bon, c'est un courrier... Extraordinaire. Il est dense, il est détaillé, on saura tout sur l'affaire. Alors, je vous laisse la parole, qui veut commenter? Ah, mais écoute, moi, je n'ai pas rencontré de professeur comme Claudius. Je suis un peu déçu, mais j'imagine qu'il est peut-être parmi les toutes jeunes générations, on est trentenaires, peut-être même plus jeunes, effectivement, il y a quelques démocrates participatifs, c'est que nous faisons de l'entrisme, c'est assez intéressant. Ça, du trotskisme de droite. Oui, c'est ça, nous dissimulons, et d'ailleurs, évidemment, nous sommes écoutés. Par des avocats, par les juifs. Aussi. Oui. Et je pense, que, ça... je pense que ça les inquiète un peu. La bise. Des dizaines de démocrates participatifs, oui, dans l'éducation nationale. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines, cher MacDav, au moins qui sont sur notre ligne, voire qui nous écoutent, hein, vu les chiffres d'audience que nous avons. Oui, et puis c'est pour eux. C'est très pour eux. Alors, beaucoup de choses dans ce qu'il nous a dit, il a apporté des corrections, j'en suis très heureux. Alors, Permets-moi, je dis simplement une précision, oui, pour les auditeurs qui pourraient se demander, parce que comment il cite un professeur suisse. Effectivement, un professeur suisse qui a quitté la Suisse, qui est parti s'établir dans un autre pays, a réagi à notre émission et à un article qu'on a publié sur la thématique des profs. Et donc du cancer de l'éducation nationale. Et alors, c'était intéressant, vous pouvez trouver son article sur le site, parce que c'est une comparaison entre le système suisse et le système français. Comme, alors, je n'ai pas besoin de le dire, mais le système français est centralisé, jacobin, pyramidal. Et il disait, c'est très drôle, puisque le système suisse est fédéral, et d'autant qu'il est séparé en plusieurs zones linguistiques, il y a le français, il y a l'italien, il y a l'allemand. Donc on pourrait croire qu'en raison de ce fédéralisme et de l'originalité de chaque structure d'enseignement, bien finalement, l'étreinte serait beaucoup moins forte sur le personnel enseignant suisse. Or, il n'en est rien, et c'est ce qu'il explique dans ce très très bon article, avec les écueils et évidemment les pressions qu'il a subies, et qui l'ont poussé d'ailleurs à non pas seulement à quitter son travail, mais à changer de pays. Donc c'est quelqu'un qui, intellectuellement, s'est révolté, en quelque sorte. Donc c'est là-dessus, c'est ce qui a encouragé notre auditeur, donc Claudius, à nous envoyer ce courrier des lecteurs pour préciser, apporter quelques nuances, infirmer éventuellement quelques propos qu'on aurait tenus, ou exagérations. Bon, ici on revendique quand même un peu le droit à la caricature, mais voilà. Donc maintenant que j'ai précisé ça, je pense que les auditeurs savent maintenant de quoi ils retournent. Donc je te donne la parole maintenant, Derek. Oui, non, moi, j'ai un petit peu bondi pendant le témoignage, nos auditeurs l'ont entendu, à l'évocation des merveilleux professeurs d'espagnol de collège. Ces professeurs que notre auditeur donc décrit comme étant les plus fanatiques des égorgeurs bolcheviques qui puissent être présents dans l'éducation nationale. Et oui, c'est le cas, hein. C'est-à-dire que ces assassins d'enfants sont les premiers à te faire lire du Dolores Ibarruri, la passionnaria, hein, de la révolution. Anarcho-communiste, j'imagine. Ouais. Oui, anarcho-communiste, anarcho-communiste en Espagne. De te faire lire du Pablo Neruda, de te projeter film avec Pablo Neruda. Ignoble. J'ai subi un film sur Pablo Neruda. Mais moi aussi, cher Gandalf, aussi. Voilà. Je chambre beaucoup les Espagnols. Bon, il y a des éléments très louches parmi la race, c'est un fait. Mais la chose qui me dérange le plus, c'est que l'Espagne a déversé ses ordures en France. Notamment été en masse prof d'espagnol. Et ça, bon. Quand tu as subi la chose, tu deviens fanatiquement hispanophobe. Alors, professeurs d'anglais sont quand même particulièrement corsés niveau gauchisserie. Ah non, mais oui, mais c'est pas aussi fanatique, si tu veux. Il n'y a pas le côté trip, ça vient pas des tripes, c'est ce que tu veux dire. Il n'y a pas le côté boudin, tu vois, le côté le sang, tu vois. Oui, alors, moi j'ai fait allemand, hein, en LV2. Et côté allemand, c'est très très gauchiste aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. Attention. Ah ouais, c'était le mur, c'était vraiment c'était pas le SPD, hein, c'était au minimum The Linke, hein. C'est vraiment la gauche antiraciste. Il en fallait en faire plus. Moi j'étais un petit malin, j'étais un peu taquin, et bon, évidemment, maintenant j'ai un peu honte de dire ça maintenant, mais il faut m'excuser, je devais avoir 11 ou 12 ans, et le prof d'allemand dit demande qu'est-ce qui s'est passé en 45, je dis, les Allemands ont perdu, tu vois. Et bon, je le regrette maintenant. Évidemment, maintenant je le regrette, mais bon, c'était il y a 30 ans, il y a 20 ans, pardon. Et il dit non, ce ne sont pas les Allemands qui ont perdu, ce sont les nazis. ils ont réussi à faire cette dichotomie, d'accord. Ouais. Oui. D'accord. Et bon, maintenant, je regrette les Allemands et les nazis. Oui, parce que les juifs, maintenant, ne s'embarrassent plus trop de faire la différence. Ah, pas du tout, on aura l'occasion de le dire. Alors, bon, C'est l'universalisme des profs des profs à la con, quoi. Là, niveau allemand, parce que moi aussi, j'ai transité par ces cours-là, je dois dire que j'ai pas eu tellement d'antinazisme, etc. C'était pas tellement au menu, non. Non, j'ai rien eu là-dessus, en fait. Non, en y repensant, j'ai rien eu là-dessus. À peine un peu sur l'Allemagne de l'Est, et encore pas grand-chose. C'était vraiment des cours, finalement, assez peu idéologiques dans les établissements que j'ai fréquentés, qui étaient des établissements différents, avec des professeurs différents, d'âge différent. Donc, c'est comme quoi, tu vois, comme quoi c'est intéressant. Alors pour en venir à l'espagnol, j'en ai fait aussi. Bon là, j'ai pas eu le problème, j'ai pas eu à faire face à l'écueil dont vous parlez. Je suppose que ce qu'on peut faire pire en termes de prof d'espagnol, c'est un descendant d'espagnol rouge établi dans la région de Toulouse et qui officie dans l'académie de Toulouse. Je pense que c'est grosso modo ce qui se fait de pire, hein, je présume. C'est équivalent à attraper le sida. Alors par contre, je me rappelle effectivement que les cours d'espagnol devenaient l'excuse pour faire la promotion de Manu Chao. Et j'en ai beaucoup souffert, personnellement. Mais j'ai remarqué, je sais pas ça si vous êtes d'accord avec moi, il y a une sensibilité à l'œuvre, je veux dire. Parce qu'il faut choisir une LV2. C'est obligatoire. Et les gens, j'ai remarqué, en France, l'espagnol est plébiscité. Là, c'est tout... facile, l'espagnol tu bois trois bières et puis tu parles espagnol. Ouais, c'est simple. J'ai remarqué qu'il y a vraiment ce côté-là et que l'allemand rebute. Alors l'allemand rebute parce qu'il est considéré comme une langue qui n'est, au plan sonore, qui n'est pas nécessairement très belle, voire peut être... Ce qui est absolument faux. C'est les goûts et les couleurs, je veux dire. Il y a des gens qui... L'allemand est une langue particulièrement poétique, c'est faux. Enfin bon, toujours est-il que... J'ai trouvé que quand les gens faisaient des choix, j'ai remarqué que plus tard, ça indiquait déjà une orientation politique et voire psychologique. Parce que quand les gens prenaient espagnol, en fait, ils pensaient déjà cocotier. C'était frappant, ça. Et, tout ce que vous voulez, pina colada, tout ça. Alors que moi, j'étais plus forêt du Nord, vous voyez. C'est curieux, hein, mais bon. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je sais même pas si ça se retrouve chez les profs. Parce que les profs d'Allemagne, les profs d'Allemagne un peu glandus, tu vois. Mais ils aimaient l'Allemagne, c'est bizarre ça. Comment être un gauchiste et aimer l'Allemagne? Ça, c'est quand même complexe, je veux dire. C'est un rapport étonnant qu'ils doivent avoir à l'Allemagne, je serais bien curieux de le savoir. Oui, alors c'est très géographique aussi, hein, le choix des langues. Hein. Quand tu es globalement dans l'Est, bon, t'as quand même intérêt à apprendre l'allemand, surtout maintenant. Hein. S'il y a des camarades qui nous écoutent, qui font encore leurs études, apprenez l'allemand, vraiment. Il y a du boulot en Allemagne, et vous serez mieux payé qu'en France, et mieux considéré. Bah sinon, ils peuvent apprendre l'antillais, le créole. Il y a du boulot en Antilles, ils seront payés comme des rois. Il faut bien cultiver les nègres. Alors, j'ai appris un mot antillais cette semaine, Gandalf, parce que tu évoques l'antillais. Permets-tu que je... Je permets, et d'autant que je sens que c'est un moment de grâce que nous accorde l'éternel. Oui, c'est-à-dire que le mot pour, enfin, l'expression consacrée pour désigner un sous-marin, c'est en créole, hein, on appelle ça bateau en bas de l'eau. Voilà. Voilà. C'est pas. Du pidgin, quoi. Ça me choque pas, quoi. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que le créole, c'est jamais que du petit nègre, en fait. C'est ça, en fait. C'est étonnant. Oui, c'est du petit nègre. Ouais, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre qu'un quelque chose en dessous du sol, quoi. Bon, ça me choque pas plus que ça. Ouais. Bateau en bas de l'eau. En bas de l'eau. Ah, de l'eau. Il faut être précis. Sinon, les gens ne vont pas nous comprendre. C'est certain. En bas de l'eau. Alors, revenons au témoignage. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'il a dit? La féminisation. C'est pas un scoop, mais je veux dire... C'est pas un scoop, hein. Alors par contre, mais bon, en même temps, quand tu fais une licence de lettres ou d'histoire, qu'est-ce que t'as comme possibilité professionnelle? T'as les concours de l'enseignement, t'en as pas 150 000. Puis t'as le confort aussi du petit salaire qui tombe sur les mois, du fonctionnariat. Mais c'est terrible, hein, la féminisation. Mais c'est de tout. Il y a beaucoup de corps qui sont en train d'être féminisés. Ouais. À grande vitesse, l'éducation nationale et beaucoup plus inquiétant les domaines juridiques. Hein. Le ministère de la justice est en train de devenir un nid à gonzesses et c'est vraiment les pires. C'est pas en train de devenir, ça l'est déjà et puis c'est quelque chose qui est déjà de très qui est déjà porté à l'extrême, hein. Les nanas juges de ouais. gauche, c'est absolument terrible. Pour revenir, oui, à ce que disait notre auditeur sur l'ambiance des espèces de nanas, des gauchistes, etc. Oui, moi je salue son comment dire. Sa capacité, sa patience, son abnégation. Oui, son abnégation, sa capacité à endurer ce type d'ambiance-là. Enfin, bon, moi, je pense que placé dans une telle ambiance plus d'un quart d'heure, je songerais au cannibalisme, hein, comme porte de sortie. Non, mais entouré de oui, mecs, oui, plus, écoute, tu oui. pourrais. Ah, t'aurais déjà des profs qui pourraient t'enseigner ça, hein. Enfin, pas des profs titularisés, mais déjà dans la classe, des élèves qui pourraient t'enseigner le cannibalisme. Hein. Je pense qu'il y a de la qualification. Je pense que je leur ferai des travaux pratiques qui seraient assez surpris. Hein. Bah ouais, parce que là, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a 50 profs par bahut, dont une très grande majorité de femmes. Imaginez d'être dans un nuage d'anesthésia. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Et encore, hein, anesthésia étant censément un peu au-dessus du niveau par rapport à la moyenne. Bon, c'est pas très tentant. Hein. C'est pas très tentant. Hein. Non, c'est pas très tentant. Anesthésia, c'est la prof qui va meubler le bruit de fond, quoi. Ouais, c'est ça. Ah tiens, moi je rappelais ça une connasse, moi, mais bon. Oui. Bon, en tout cas, c'est un témoignage très dense. Hein. Il faut du courage. On a même pas pu revenir, je crois, sur tous les points, mais c'est vrai que bon, le témoignage se suffit en lui-même. Oui, ça suffit en lui-même. Il a pu partir dans la France rurale, donc échapper à l'enfer ethnique. Donc c'est quelqu'un qui l'a connu. Hein. C'est quelqu'un qui a connu l'enfer ethnique. Hein, donc. Il allait dans la France rurale. Ah oui, par contre, il y a un truc intéressant, j'ai trouvé ça, mais hautement dysgénique. C'est-à-dire qu'en fait, les endroits où il y a des établissements où les élèves sont, où c'est homogène éthiquement et où les élèves ont un potentiel, en fait, c'est là que vont échouer, à force de carriérisme, etc., les vieux profs complètement pétés du gauchisme. Type qui se... Voilà. Et voilà. Grosses gauchiasses de merde, ouais. qui se sont foutus en maladie, etc. Donc, c'est-à-dire les types qui ouais. sont bourrés de dope dans tous les sens. Et c'est les types qui ont la motivation. Mais c'est ça qu'on va te foutre là où il reste des blancs. Quoi. Parce c'est que, ça. Bon, et les jeunes comme il y a des blancs. Profs, voilà. Oui, non, mais les jeunes profs, dès qu'ils arrivent, c'est les nègres. C'est-à-dire que tu es là pour servir à éduquer le futur de la nation, c'est-à-dire les nègres, hein, les Congolais, qui arrivent là par ballot de 350, enfin, c'est absolument ignoble. C'est comme les flics, hein, enfin, il me semble, hein, je crois que les flics, dès que tu passes le concours de la police nationale, tu es d'office affecté en Île-de-France. Hein, je crois que c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon. Voilà, ouais, je bien, pense que c'est ça. Mange-toi du nègre, quoi. C'est ça. Bah oui, c'est ça. T'es affecté à comment dirais-je, à la surveillance des nègres. Hein. De toute façon, en fait, franchement, la garderie. C'est un petit peu la revanche, en fait, qu'on prend sur cette fonction publique soviétisée depuis Mathusalem. C'est qu'au fond, elle est désormais en première ligne face à la propre chiasse qu'elle a promue activement ces 50 dernières années. Et c'est quand même particulièrement jubilatoire. Alors vous allez me dire, quand c'est le cas d'auditeurs comme Claudius, évidemment, c'est pas jubilatoire pour des gens bien intentionnés, sérieux, qui aimeraient faire mieux, c'est sûr. Mais pour l'écrasante majorité des paumés, des ratés, des suiveurs, des conformistes qui s'y retrouvent, c'est quand même pas mal, finalement, de les voir confrontés aux conséquences pratiques de ce qu'ils prêchent, en fait. Oui. C'est pas plus mal. Moi, je suis toujours un peu amusé, mais vous savez qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais vous savez qu'il y a des flics de gauche. Vous savez pas? C'est pas non seulement il y a des flics de gauche, mais il y en a. C'est la majorité, en fait. Hein. Alors, électoralement, ils votent Marine Le Pen, je crois, aux alentours de 50... Enfin, c'est supputation, mais vous allez me dire, oui, mais Marine Le Pen, bon, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'elle professe... C'est spécial. Oui, voilà, c'est spécial. C'est pas vraiment la droite dure, si vous voulez. Donc, on ne sait pas trop. Mais bon. Mais bon. Mais moi, ça me fascine. Ça me fascine, ces choses-là. Ça me fascine. Ça me fascine. Enfin, bon. Ouais, voilà. Donc, merci pour le témoignage de Claudius. Je pense que ça aura bien complété ce qu'on avait abordé la semaine dernière. Courrier numéro 2, les amis. Là, c'est Michel qui nous écrit. Alors, voici. Bonjour à tous, chers démocrates. Lors de l'épisode 36 de la saison 4, vous redoutiez l'installation de kebab au cœur même du Mont-Saint-Michel. Alors, à vrai dire, c'est moi qui avais fait une prophétie. Eh bien, les forces kebabiques progressent sur le pourtour de la baie. Pontorson, Avranches, Granville sont déjà tombés sous le siège de ces forces démoniaques Negrus Negrum Invocat. Récemment, j'ai maille à partir avec nos amis de couleur au sein de mon entreprise. Vous sachant, amateur de récits de vie, le voici. Je travaille dans une entreprise du secteur alimentaire, jusqu'à récemment que des blancs. Le travail se déroulait en bonne intelligence et dans une ambiance joviale. Mais cela ne pouvait durer. La direction décide de remanier les équipes sur différents sites de production et est trop heureuse de trouver de la chair fraîche. Grâce à ce genre de programme, décide d'embaucher quelques personnes. Merci Pôle emploi de ventiler les chômeurs du 93. On n'en avait pas assez de migrants. Et là, il nous renvoie vers ma vie dans la Manche. Bon. Tout d'abord, on nous flanque d'une négresse aussi stupide que moche, avec un cul assez large pour mettre un destroyer en cale sèche, qui passe son temps à se plaindre de la surcharge de travail alors que nous sommes dans la période la plus calme de l'année. Et comme si cela ne suffisait pas, notre chef fut remplacé par un spécimen de raton particulièrement détestable. Un raton des champs, sans doute le rejeton du viol d'un goumier oublié dans le bocage en 45. Cette grosse merde olivâtre cumule le comportement grotesque du gros beauf inculte, ainsi que les atavismes de sa race. Mensonges, agressivité, roublardise, paresse. Autant vous dire qu'un boucacologue émérite serait particulièrement intéressé par un tel spécimen pour la recherche. Alors là, je fais une aparté, s'il a un prénom français, ça va. Note de fin positive malgré tout, le maître cube de beurre de cacahuète a fini par se faire virer car elle a eu la bonne idée de proposer un plan cul à un membre du personnel. Il s'en est plaint à la direction qui en a profité pour mettre fin à sa période d'essai. Dans la confidence, il m'avoua que la seule façon dont il aurait envisagé de lui passer dessus serait avec son pick-up. Le raton, quant à lui, a fini par se mettre toute l'équipe à dos à cause des épisodes répétés d'agressivité bougnoulique mélangés à de la dope, laissant ainsi germer dans l'esprit de quelques-uns des graines de démocratie participative. En attendant le retour du soleil noir, je vous souhaite une bonne journée et bon courage à tous. Alors merci Michel pour ton témoignage de terrain dans le monde de l'entreprise. Alors là, on quitte la fonction publique et on découvre en fait la même chose. Hein, on redécouvre oui, la même chose, c'est-à-dire que finalement, les Arabes et les Nègres sont quand même une plaie ouverte qui suppure, oui. Quand même. Enfin, on reste dans la fonction publique, c'est-à-dire que tout ça, quand même, est largement, c'est sous la main de Pôle emploi. Hein. C'est ça, oui, ouais. c'est l'État qui est derrière tout ça. Le grand ventilateur à nègre qui est l'État français. Hein. C'est ça. Et là, on découvre quelque chose que je n'aurais pas... qui ne m'était pas encore venu à l'esprit, tu vois. Moi qui suis quand même, qui ai l'esprit assez tordu, c'est-à-dire que nous avons des négresses qui agressent sexuellement des jeunes gens pour leur faire attraper le sida. Hein. C'est quand même... Bon, c'est... Loué soit l'éternel, cher ami, loué soit l'éternel. Alors visiblement, elle était d'une laideur proverbiale, ce qui n'est pas peu dire, parce qu'en général, les négresses sont très très laides. Mais alors là, c'est bon, le bloc de graisse, bon bref. Qui veut me rajouter quelque chose là-dessus, me commenter un peu cet épisode? Bon voilà, bon, c'est pas de la grande théorie, hein, mais c'est vivant. Alors ça se passe dans la Manche, hein, vous avez la vue sur la mer, la Normandie, les côtes, voilà, le Mont-Saint-Michel est peut-être pas très loin, hein, voilà. et des nègres, en fait, du 93. Je veux bien, si vous permettez. Titus, oui, oui, vas-y. Oui, alors là, c'est pas directement par rapport à la Manche et par rapport à cette zone géographique, mais plutôt par rapport au talent, hein. C'est le cas de le dire, le grand talent de la France en matière de ventilation de nègres et de bougnoules, et surtout de nègres et de bougnoules racaillisés. Parce que j'ai pas mal voyagé et j'ai pu remarquer souvent, il m'est arrivé de croiser des gens d'Afrique, des blédards comme disent les maghrébins, des maghrébins du bled ou des nègres du bled, et j'ai toujours trouvé ces gens beaucoup plus supportables et civilisés que les nègres et les bougnoules qui viennent de France. Les pires, c'est vraiment les nègres et les bougnoules qui sont français et qui ont le passeport français. C'est à tel point qu'il m'est arrivé d'être en coloc avec des maghrébins du bled au cours de mes études, enfin pas en France. Et alors c'était des gens qui étaient parfois un peu bruyants, mais qui étaient tout à fait supportables et en dehors de leur tendance au bruit à parler en arabe très fort. Et la seule fois où j'ai vu un maghrébin vraiment insupportable, c'était quelqu'un du 93 qui voyageait aussi et qui lui avait pas l'accent blédard mais l'accent racailleux, l'espèce d'hostilité, de nervosité qu'on sent toujours de la part des arabes racailleux, et qui lui, surtout lui, et là on sent vraiment la French Touch, nous a ramené des nègres racailleux à la coloc, alors que les maghrébins du bled traînaient que entre maghrébins et ne ramenaient jamais de nègres. Donc c'est là où, et j'ai vu des phénomènes approchants dans d'autres circonstances aussi après mes études. Donc là je me dis, là, la France a vraiment un talent magnifique en matière de ventilation de nègres et de bougnoules, et en plus tellement nègres et bougnoules que même les gens du bled ne le sont pas à ce point, quoi. C'est je crois qu'on a vraiment une mission républicaine. Ça c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est pas républicain, c'est je pense que c'est un mal français, malheureusement. Ça a été probablement amplifié par la République, mais ce que tu décris là, effectivement, ça a dû avoir lieu il y a une dizaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est le cas maintenant. C'est vrai que les tensions raciales se crispent un petit peu plus même chez ces gens-là. Mais il est vrai que oui, le transformer tout ce qu'elle touche en nègre. Ouais, c'est assez. Ouais, tu veux parler, comment dire, du fait que les nègres traînent tout le temps avec des noirs, c'est ça que tu veux dire? Non, que les maghrébins traînent. Non, c'est-à-dire que même les nègres, si tu veux, pris dans leur état sauvage, sont moins. Sont moins nuisibles, hein, bon, au quotidien, tout ce que tu veux, que le nègre français, en fait, qui était touché par la lumière de la France, quoi, et qui a vu Dieu, qui a été en communion avec les terres nègres. Ouais, donc la France a un certain pouvoir sur ses populations. Et donc qu'on appelle la civilisation. Ouais, la civilisation française. Alors oui, je m'explique pas très bien. Par exemple, on pourrait se poser la question, mais d'où vient l'accent racaille? Alors forcément, il est pour partie originaire d'Afrique du Nord, mais il est quand même tout à fait spécial, et c'est vrai que c'est assez mystérieux. Et oui. C'est à se demander, quoi, parce que, bon, alors certains vont peut-être me dire c'est le mélange, en fait, entre le titi parisien, je sais pas, et l'accent du bled, je sais pas, je m'interroge. C'est peut-être alors, Canal Plus a largement contribué à l'accent racaille. Oui, ça existait déjà dans les... Gandalf, on en arrive maintenant, enfin, l'accent du bled que tu peux avoir entendu même maintenant, et puis bon, surtout il y a quelques années, maintenant on en arrive vraiment aux petits nègres, c'est-à-dire que tu as des nègres qui parlent avec des mots, et les verbes qu'ils utilisent entre les mots, ce sont des verbes à l'infinitif. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Moi parler, moi dire... Moi faire, tu vois, c'est ouais. C'est ça, hein, c'est vrai, bon, c'est vrai, c'est juste, c'est juste. Ça n'existait pas, mais là ça devient quelque chose qui arrive. Ça va être quelque chose qui va être accepté parce que c'est comme ça, parce que Dieu, hein, voilà. Et si tu remarques la chose, tu seras nazi, hein. Bah justement, chers amis, soyez nazi tout de suite, c'est plus rapide. Ça va plus vite, en fait. Mais j'ai vu cette semaine un échange entre Éric Zemmour et Laurent Geoffrin. Oui, c'est News, je crois. Oui, c'était ça. Et alors, bon, Laurent Geoffrin, bon, on sent en fait, il y a dans l'échange, on voit bien que Laurent Geoffrin, vous voyez, c'est une espèce de vieux chanteur là qui est payé pour intervenir, vous voyez. Et mais il y a pas la passion, quoi. Je veux dire, on sent que bon, il est là. Bon, il y a pas la flamme, quoi. Mais bon, il fait le job. Et il dit. Le type de bourré d'antidépresseur. Ouais, je sais pas. Il est surtout, ouais. Il est surtout bourré de pognon, à mon avis. Et le mec. Je suis même pas sûr. Oh. Et il est là et il dit. Ah oui, mais la France, c'est ouvert. La culture, ça change, ça évolue. C'est pas figé, etc. Tu sais, je veux dire, en gros, c'est ce qu'on dit, quoi, au plan linguistique, etc. T'as gardé le niveau en France qui se casse la gueule absolument partout. La racaillisation, parce qu'il faut voir ça, la racaillisation linguistique des blancs, des jeunes blancs, faut voir ça, notamment par le rap, qui fait que c'est pas une catastrophe uniquement localisée dans les quartiers ethniques, ça c'est beaucoup plus large que ça. Et j'ai bien aimé le mot de Zemmour, bon, bah, ça m'a fait marrer sur le coup quand il a dit oui, mais bon. Quand votre fille portera le voile, ça aura changé aussi, quoi. Voilà, bon. Et ça m'a fait marrer, mais c'est un peu ça, quoi. C'est en fait le bateau coule et on. Souvent les gauchistes ils vous disent ça comme ça. Vous savez que ce soit sur le métissage, ils aiment bien partir là-dessus, ou sur l'immigration, le fait qu'ils vont être. Au début ils disent non, mais les blancs seront jamais minoritaires. Et puis tu sais quand on leur met deux ou trois chiffres, ils disent. Oh, ben oui, mais alors, ça a toujours été comme ça, l'histoire, ça change. À ce sujet, Gandalf, as-tu vu la dernière sortie de ton compatriote Hervé Le Braz? Alors non, je ne suis pas l'actualité d'Hervé Le Braz. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un tort. C'est un démographe, précision. Oui, c'est un démographe. Qui communiste, c'est bon. Ouais, bon. Oui, oula, très très communiste. Il s'est étonné cette semaine que, malgré le fait que tous les indices soient au vert, c'est-à-dire qu'il y a énormément de subventions sociales en France, ouais. Que le socialisme marche en plein régime, les gens ne soient pas heureux. Hein. Ah tiens. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ah, c'est le Braz ne comprend pas. Ah d'accord. Et donc en fait, les blancs payent pour se faire envers par des nègres, et des arabes, et ça leur coûte excessivement. Ils ne sont pas heureux. Moi, j'appelle. Enfin, c'est presque de l'ingratitude. C'est même pas presque. C'est de l'ingratitude. C'est un peuple qui est le peuple français. C'est un peuple qui est bourré d'antidépresseurs, d'anti-oxydiques, antidépresseurs, somnifères. C'est prescrit très largement par les médecins généralistes, en fait. Enfin, parce que le ministère de la Santé ouvre les vannes de ces drogues-là, parce que c'est des drogues en réalité. Et ça traduit quand même quelque chose, effectivement. Et je suis surpris qu'Hervé Le Braz soit surpris. Mais peut-être que c'est tout simplement par réflexe petit bourgeois, hein, et que voilà, ils ne comprennent pas que voilà, ils ont en face d'eux la matérialisation de la promesse socialiste, de la promesse, même allons-y franchement, juive, de la promesse, oui, communiste. Et donc, voilà, ils sont aigris. Mais c'est vrai que voilà, c'est-à-dire que il voit, enfin bon, il voit pas parce que pour lui, la composition du peuple français ne change pas parce que le nombre d'immigrés, oui c'est ça, oui voilà, c'est comptable depuis 1910 même, allez, hein, 32. Voilà, hein, du février 34, allez, ouais, allons-y, hein, passons par là. Alors, Front populaire, 36, donc, Front populaire, une très belle année. Bah, le peuple n'a pas bougé, la composition n'a pas bougé, il n'y a pas de changement, c'est pareil, ce sont des apports mineurs qui sont, ma foi, en tout cas, selon lui, qu'il faut privilégier, ces apports, hein, n'est-ce pas, hein, qui n'existent pas. Donc le socialisme est en place, c'est-à-dire qu'il y a des subventions, il y a la sécurité sociale, il y a des arrêts maladie, en voiture, voilà, de l'aide à l'apprentissage du français. Ben, toute la merde, enfin, le socialisme réel est en place, et pourtant ces salauds de Français ne sont pas heureux. Et ça, le scientifique du CNRS, le démographe, Hervé Le Braz, il comprend pas. D'accord. Les Français sont des gens qui sont. Oui, ingrats. Oui, c'est le mot. Oui, qui sont ingrats. Hein, ingrats. Ingrat, replié, aigri. Voilà. Oui, aigri. Ouais. Oui. Ben, je comprends la frustration du camarade Le Braz, hein, démographe du parti. Oui, c'est... Bah peut-être qu'en dépensant plus d'argent public. Là, c'est là la solution. Hein, ouais. Dès qu'il y a un problème, oui, l'État doit prendre. Oui. Argent public, argent, contribuable goy, guerre, payé. C'est ça. C'est bien ça. C'est la formule gagnante à chaque. Alors par contre, est-ce qu'ils ont testé chez les nègres, est-ce qu'ils sont satisfaits? Vous allez me dire peut-être pas, hein, parce que même si on les arrose de blé, ils sont peut-être jamais contents non plus, parce qu'il reste quand même des blancs en France, malgré tout. Donc la promesse de Nelson Mandela ne se réalise que trop lentement, malheureusement. Quand tu arroses des nègres d'argent, ça te provoque en général c'est systématiquement une explosion démographique de nègres que ne parvient même pas à endiguer la progression de la médecine, quoi. C'est-à-dire que bon, le truc est tellement exceptionnel, même l'économie ne peut pas suivre derrière. Bon, du coup, enfin, arroser, si tu, j'ai envie de dire, donner de l'argent aux nègres, c'est tuer des nègres. Bon, moi, ça me fait mal au cœur. Hein. Je sais. J'ai mon petit cœur qui souffre. Alors, mes amis, je vous propose de passer au troisième courrier. Troisième courrier, donc, de cette rubrique courrier des lecteurs, et ensuite, on passe à la rubrique suivante. Bonjour à tous, et bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. J'aimerais commencer ce courrier en vous remerciant pour tout le travail que vous avez accompli et pour la qualité des débats que vous proposez à l'occasion de votre émission hebdomadaire. Je suis DP depuis maintenant 3 mois, et je ne peux désormais plus me passer de vous. Mon éveillement aux questions raciales et à la fourberie juive est plutôt récent. C'est pourquoi cette histoire que je vais vous raconter remonte à il y a un an et que je ne l'ai pas partagée plus tôt. Je pense qu'elle a contribué à faire de moi la personne informée et pragmatique que je suis devenue aujourd'hui. Passons aux choses sérieuses à présent. Cette histoire remonte donc à l'hiver 2018. Pour placer le contexte, j'habite en périphérie de la ville de Grenoble, une ville qui, comme tous les démocrates participatifs le savent, est un amalgame géant et puant de nègres violents et d'arabes ravagés qui passent leur temps à, excusez le langage, se foutre sur la gueule quand ils ne vont pas tout simplement agresser, poignarder et fusiller des gens dans la rue pour un simple coup d'œil. Dans les documentaires animaliers, ils disent toujours de ne pas croiser les regards des bêtes féroces. Je comprends désormais pourquoi. Après une soirée passée chez un ami, je marche donc vers l'arrêt de bus le plus proche afin de rentrer chez moi. Je ne possède en effet pas le permis, même si je l'ai passé 2 fois sans succès. La première à cause d'un abruti qui m'a coupé la route, forçant l'examinateur à freiner, et la deuxième à cause d'un sale bougnoul qui avait appris son code de la route au Crouillistan et qui m'a recalé car même si selon les critères de ma molitrice, elle bien française et blanche, j'aurais dû l'avoir, selon les critères délirants de cette cafarde, je n'écrasais pas assez de mécréants sur les trottoirs. Tout cela mène à ce fameux soir, aux alentours de 21h30. J'attendais dans le froid le prochain bus qui n'allait pas tarder à arriver. Et à côté de moi, adossé à un mur, se trouvaient 3 macaques maghrébins malodorants, emmitouflés dans de grands blousons avec capuche à poil et fumant d'immondes roulés aux herbes dont on leur connaît le secret. Par chance, aucune de ces choses ne viendra m'importuner, et comme à l'époque je n'étais aucunement méfiant envers les races inférieures, le chien n'a pas senti la peur et est donc resté dans son coin à ronger son os. Le bus arrive, il se range un peu derrière l'arrêt, pile en face du groupe simiesque. Et les portes s'ouvrent. Les 3 crouilles s'engouffrent telles du bétail dans le véhicule, je constate qu'aucun ne possède sur lui de titre de transport ou d'argent afin de payer un ticket. C'est alors que je remarque que le conducteur du bus est quand même difficilement perceptible dans la nuit. Un grand nègre à lunettes, chauve comme une noix de coco épluchée et dont les narines écartées auraient pu aspirer l'âme de quiconque aurait le malheur de les observer trop longtemps. Ce curieux personnage, arriéré, me bloque avec son bras avant que je puisse sortir mon ticket et me demande un titre de transport. Je lui tends mon ticket, une carte de 10 trajets encore valide, et dont j'ai pu vérifier le bon fonctionnement au trajet aller plus tôt dans la soirée. Et c'est là que le drame arrive. Il me dit avec son accent dégueulasse et déprimant « Non, monsieur, le ticket là, il n'est pas valide. » Ce à quoi je réponds « Ah non, c'est pas possible, je l'ai testé tout à l'heure et il marche très bien. » Ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans beaucoup de grandes villes, Grenoble possède un système de zones pour les transports en commun. Un ticket peut couvrir entre 1 et 5 zones selon les différents quartiers de la ville et des communes alentour. Mon trajet comprenait 2 zones à traverser et mon ticket de 10 trajets couvrait toutes les 5 zones. Il était donc impossible que mon titre de transport soit invalide. Mais cela ne semble pas acceptable pour l'esprit tumultueux et corrosé à l'acide de ce macaque attardé. Et encore, c'est une insulte envers les vrais macaques. Il commence à hurler, à vociférer, à rugir même. Il m'ordonne de descendre de son bus, que je lui fais perdre son temps, et que je ne pourrais pas, je cite, le frauder. J'allais sortir un billet de 5 euros pour payer un ticket, ne voulant surtout pas marcher pendant 30 minutes dehors dans le froid et dans des quartiers dont on ne connaît que trop bien la population et leurs agissements quotidiens. Rien à faire, la bête est déchaînée, je me vois contraint de sortir du bus, accompagné des moqueries des bougnoules, eux bien installés, qui laissent échapper des rires de chimpanzés tout en sortant leur téléphone portable, probablement volé, pour filmer la scène. J'ai au final dû marcher une trentaine de minutes pour arriver chez moi, non sans regarder un nombre incalculable de fois derrière moi pour augmenter mes chances d'arriver dans mon appartement avec tous mes effets personnels. J'ai par la suite déposé une plainte à la TAG, qui est l'organisme chargé des bus à Grenoble, n'ayant malheureusement pas pu donner d'autres signes physiques distinctifs du chauffeur que sa peau brûlée au soleil de Ouagadougou. On a fini par m'expliquer au téléphone que même s'il retrouvait, grâce à mon signalement qui m'a refusé le bus, que cet événement ne donnerait lieu à aucune compensation pour ma part, mais, pire, à aucune sanction pour le bonobo incriminé. La mafia de la jungle reste omniprésente à la capitale dans la capitale des Alpes, et je ne recevrai pas la suite. Non, je ne saurais pas comment donc évoluera l'affaire. Moralité. La fraternité raciale, c'est bien, sauf si vous êtes blanc. Car même quand les crouilles et les nègres ne peuvent pas se blairer dans leur pays d'origine, une petite fée magique au long nez et aux grands-parents déportés pour jouer au foot à Auschwitz les a fait s'unir contre l'ennemi commun, la vermine de ce monde, l'homme blanc. Voilà, j'espère que ce témoignage aura su vous faire réfléchir, même si je sais qu'ici nous sommes en terrain déjà conquis et déjà... red-pillé, oui. Et je pense aussi que beaucoup se reconnaîtront dans mon histoire car les transports en commun, tout comme les taxis, sont infestés jusqu'à l'os par la vermine bougnoulique et négrière. Et que cela ne m'étonnerait pas le moins du monde si une telle chose était déjà arrivée à un auditeur de cette émission. Mes salutations toutes particulières à l'équipe, n'arrêtez surtout pas ce que vous faites car c'est grâce à des gens comme vous qu'un jour, je l'espère, nous libérerons de cette vaste entreprise à l'échelle mondiale qui veut voir la destruction de l'Occident et la fin de la civilisation à proprement parler. Et pour finir, loué soit l'Éternègre. Et c'est, il nous dit Sigail, et il nous dit, il signe B. C'est B qui nous écrit. Merci B pour son témoignage. Oui, c'est sa mésaventure. Alors, qui veut répondre ou réagir? Bon, je vais commencer si tu veux, mais. Vas-y, oui. Grenoble, la capitale des... des Alpes, oui, il faut préciser. La capitale parce que... des Alpes et des couteaux, si c'est des couteaux animés par des Maghrébins. Hein. C'est une ville qui est bon, des couteaux une belle raciale. Alors ouais, déjà elle est, il faut savoir qu'elle est présidée, enfin, elle est dirigée par un écolo-communiste. Voilà, enfin c'est voilà, il y a un maximum d'Arabes dans cette ville. Voilà, bon, c'est un communiste fanatique qui se fait passer par écologiste. Bon, un écologiste conséquent en Grenoble ferait la politique du vide, hein, c'est-à-dire que bon, pas de pollution ni environnementale ni raciale. Hein, oui. Hein, bon, ça coule de source avec les très belles montagnes qu'il y a autour. C'est quand même du très mauvais goût. Là, notre auditeur, effectivement. Bon, j'apprécie particulièrement le descriptif du nègre. Ah oui, la notre coco. Espèce de boule de 8, hein, de billard, hein, hein, qui est là, qui trône fièrement. C'est Dieu, quoi. C'est un de mes prêtres. Voilà, c'est le prêtre de l'Éternel. Bon, je le reconnais très. Oui, oui, probablement. Oui. Évêché de Grenoble, donc, diocèse. Ça, là, il n'a pas marché là. Ça, là, il y a papier, n'a pas marché la carte. Hein. Toi, il n'a pas. Toi, il n'a pas monté bus. Hein. Donc c'est comme ça. Tu vas pas me frauder après que trois ratons soient passés tranquillement sans titre de transport. Bah, tout... On prend pas du tout le blanc pour un enculé dans l'affaire. Bon. C'est... Non, mais non. D'autant plus c'est, que ces gens sont savent se montrer reconnaissants pour les bienfaits que leur apportent les Français, je trouve. Les Africains, les nègres, les bougnoules ont une caractéristique qui est en général d'être très généralement reconnaissants envers oui. les autres qui les accueillent. Oui, oui, effectivement. Comme les Juifs aussi ont cette caractéristique. Oui, c'est vrai, c'est encore, vrai. Encore c'est plus vrai. Marqué, encore plus. Alors marqué. Par contre, les Blancs sont très égoïstes. Par contre, tu verras jamais un Blanc donner de l'argent à un Nègre. Par la force des choses. Oui. C'est une blague, là ? Oui, oui, bah, oui, bah, oui, c'est... Oui. Ah, j'ai fait réagir Magda. Qui d'autre veut un petit peu... Bon, pareil, ça appelle pas de grande théorie, mais c'est du vécu, c'est du quotidien. Bon, Grenoble, bon, je pense qu'on en a parlé l'année écoulée, puisque, vous savez, il y a eu des joyeusetés, hein, il y a eu beaucoup de voitures cramées cet été. Des couteaux. Oui, des couteaux, des... J'ai envie de dire, c'est de la culture populaire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est de la culture populaire. Oh. Ronsard. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est voilà. Poétique, c'est poétique, écoute. Et puis alors, quand on voit la ville de Bordeaux. Il y en a à voir si la lame. Quand on voit le cadre de Bordeaux avec les montagnes, etc., moi je me dis, ça fait ton sur ton. Moi, quand je vais dans les Alpes, tu vois, je me dis, oui. Je veux voir des nègres et des Algériens. C'est ce que j'espère. Et ben voilà, le maire il tient parole, hein. Voilà. Bon, c'est intéressant. Avez-vous remarqué que dans les transports en commun ces dernières années, et un peu plus, on a commencé par mettre des femmes au volant des véhicules transports en commun. Maintenant, on y trouve des nègres. Il est probable qu'entre les deux, il y a eu des boucaques. Moi, j'y ai pas trop fait attention, j'ai une voiture, mais probablement que demain, on y trouvera des singes, hein, des singes dressés, je suppose. Ah bah, ça sera un progrès. C'est ce qu'on a... ça sera toujours mieux que des nègres, en tout cas. Mais oui, les femmes, effectivement, sont au volant de nombreux transports en commun, et ces femmes-là sont en général particulièrement obèses et répugnantes. Oui. Hein, des femmes blanches... qui sont des remèdes. Je pense que beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup de prêtres en France, mais de nombreux prêtres qui ont eu des vocations au célibat ont dû être influencés par les transports en commun et la promiscuité avec des femmes chauffeurs de bus. C'est très probable. Alors, puisque nous y sommes, j'avais envie de vous parler d'une des plus grandes entreprises d'Afrique. Je pense que vous la connaissez. C'est la RATP. La France ? Ah La RATP Les chauffeurs, là, c'est beaucoup de barbus. La grève ! Oh, la grève ! Oh, c'est merveilleux ! Oui, c'est, mais alors, attention, et ça fait le lien, et ça fait le lien avec, pas Grenoble, mais Bordeaux, mais Lyon, donc c'est pas loin. Et du coup, je bénis la grève de la RATP. Alors, certains auditeurs vont bondir, et vous allez comprendre pourquoi. Serge Klarsfeld préparait un voyage à Lyon, où il allait annoncer la création d'un futur musée de l'Holocauste. Et il n'a pas pu se rendre à l'annonce à la mairie de Lyon parce qu'il y avait une grève des antisémites de la RATP, par ailleurs pro-palestinien. Donc je me suis dit, bon... Ah oui, oui. Ah bah là, je me suis dit... Il y a une intersectionnalité que je n'aurais pas soupçonnée. Eh oui. Alors du coup, moi qui... j'avais envie de parler de la RATP. Non. Tu crois que la RATP est antisémite ? De facto, mais alors jadis, la SNCF était antisémite. Oui, la SNCF était antisémite quand elle transportait des juifs. Maintenant, elle est antisémite quand elle ne les transporte pas. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il faut s'adapter, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais bon, Ouais, mais comme quoi, on dit souvent du mal de la SNCF, etc. Bah, vous avez vu, quand ils décident de travailler, pour le coup, ils arrivent à des résultats. Ouais. Mais il faut les faire bosser, hein, mais bizarrement, il faut des Allemands pour les faire bosser à la SNCF. Eh oui, eh oui. La France, ça marche bien quand t'es des Germains Quand c'est qui géré par les Allemands. Non, des Germains, c'est de tout temps, hein, c'est les rois. Bon, Oui, bref. c'est vrai, oui, c'est vrai. Eh oui. Oui. Pas tellement de Martigues, en Non, fait. mais dès que tu commences à faire des mariages bizarres avec des juifs qui veulent baiser des vierges particulièrement blanches, bah, ça commence à faire de la merde, hein. Bon. Oui. Bah non, mais bon, hein, les forêts du Nord, hein, toujours un peu pareil, la même thématique. Alors, les gars, on remercie B pour son témoignage. Sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur sa mésaventure, bon, compatis avec lui, hein, quand même, bien sûr. Bien entendu. Bon, dans un futur proche, il y aura peut-être des évolutions en termes de règlement, qui permettront quand même de répondre à ce type de situation, on l'espère. Alors, rubrique numéro 2. Ah, là, c'est notre petit moment plaisir, si vous voulez. Là, c'est. Parce qu'on a. Bon. On a quand même une mésaventure là, et hein, bon. Là, c'est le moment détente. Autisme radical, rubrique numéro 2. Cette magnifique aventure a été relatée par actu.fr, mais on l'a retrouvée dans toute la presse française. Mais il y a un détail qui n'est pas tout à fait précisé, que je préciserai à la fin de l'article. Johanna avait sauté du premier étage de leur appartement rue d'Iéna au Havre, en Seine-Maritime. Elle avait déclaré vouloir échapper à son conjoint qui la menaçait avec un couteau. Les faits s'étaient déroulés le 11 août 2019. 3 jours plus tard, le parquet avait classé l'affaire sans suite. Un mois plus tard, lundi 16 septembre, cette même femme âgée de 27 ans a été poignardée devant ses enfants en pleine rue. Elle est décédée peu de temps après. Son ex-conjoint a été interpellé par les policiers à quelques mètres du lieu du crime. Le procureur de la République, François Gosselin, confirme lundi soir le classement sans suite de la plainte déposée en août pour violence. Selon le procureur, dans ce genre d'affaires, il se peut, mais je suis très prudent, donc là je cite le procureur, que le classement sans suite ait été prononcé trop vite. Le classement sans suite n'est jamais définitif tant qu'il n'y a pas de prescription. L'homme interpellé pourrait devoir répondre de ses faits au mois d'août également. Donc interpellé à quelques mètres de la scène du crime, l'homme domicilié au Havre, est d'origine malienne et âgé de 37 ans, il n'a opposé aucune résistance devant les policiers. Dans ce couple, il y avait un contexte de séparation, et pour le moment, nous ne savons pas jusqu'à quel point. Il faut déterminer s'ils vivaient chacun de leur côté le degré de filiation des 3 enfants, soutient le procureur. Selon nos informations, la victime était logée dans un foyer d'accueil au Havre, sur sa décision pour s'éloigner de son conjoint violent. Au terme de sa garde à vue, le suspect devrait être mis en examen pour homicide volontaire. S'il y a des éléments indiquant la préméditation, alors nous pourrions nous diriger vers un assassinat, précise François Gosselin. Les élus du conseil municipal qui se tenaient lundi soir ont observé une minute de silence à la mémoire de cette jeune mère de Quelle famille bande de tuée. rats. Attends, un hommage sera organisé mercredi 18 septembre à 14h30, place de l'Hôtel de Ville. Nous sommes tous concernés, a déclaré le maire Jean-Baptiste Gastine. Alors, il pourrait s'agir du 105e homicide, non, féminicide, commis en France en 2019. L'an passé, ce sont 121 femmes qui avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Alors, je précise une chose, parce que c'est pas écrit, il faut voir la photo de Johanna, hein. Alors, Johanna porte un magnifique voile islamique, elle venait tout juste de se convertir à l'islam, par Oui, la amour. sale Ah oui. pute. Ah, bah, voilà, bon. Alors donc, elle a été morte. Poignardé en pleine rue, lardé de coups de surin devant tous les négrillons qu'elle a pondus avec le primate du Mali, n'est-ce pas? Et elle a été rétribuée comme il se devait en pleine rue. Et les gauchistes crient au féminicide parce que pour eux ils sont encore dans je sais pas quoi, le patriarcat, le pape ou je ne sais quoi. Donc voilà. Alors, bon, c'est marrant quand même, je veux dire. C'est rigolo. Oui, c'est-à-dire que. Alors bon, moi je raisonne, si tu veux, sur un plan économique là-dessus. C'est-à-dire Alors que nous attends, avons eu. moi après je vais raisonner sur un plan islamique, mais je te Oui, laisse. oui, oui. Partant d'un point de vue économique, c'est-à-dire que nous avons une blanche qui se maque avec un nègre, hein, bien entendu, parce que un nègre musulman. Oui, bah, oui, nègre musulman qui porte le voile islamique, qui signifie hein, par son accoutrement qu'elle est disponible aux foutres islamiques. Hein. Bon, c'était le cas puisque trois démons sont nés de cette union. Manque de peau, bon, Mamadou n'était pas forcément très disposé à ce que Joana, je crois, c'est ça ? Oui, mais précisément parce qu'elle voulait, elle s'est séparée unilatéralement de son mari musulman. Oui, c'est-à-dire que Joana est une sale pute, hein, voilà, disons-le clairement. Hein, mais attends, écoute, excuse-moi. Une femme libérée, une française. Au terme de la loi islamique, convertie, elle devait rester avec son compagnon. Alors oui, en islam, le mari a tendance à cogner à coups de ceinture et de barre de fer. Oui, mais c'est par amour. Elle ne l'a, voilà, pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler un peu. Bon, bah par ce biais-là, on passe d'abord par l'islamique, mais au terme de la loi religieuse à laquelle elle se soumet, elle ne peut pas se plaindre. Hein. Elle a été châtiée. Comme le permet le Coran et comme le permet la charia, en pareil cas, et je trouve un peu quand même déplacé la minute de silence du conseil municipal, oui, qui, me semble-t-il, nourrit un sentiment islamophobe latent dans cette commune. On voit très bien le populisme arriver. J'entends Imre Schimler arriver. Hein, J'ai froid dans le dos. Parle-nous un peu du coup des conséquences économiques, parce que tu entrevois quelque chose. Les conséquences économiques, c'est que nous avons une pute qui est morte. Hein, nous avons un nègre en prison dont nous allons pendant des dizaines d'années. Tablons au bas mot sur une quinzaine d'années. Hein, c'est ce qui restera. Si la législation ne peine, si les choses ne changent pas d'ici là, ce nègre-là restera une quinzaine d'années en prison. Bien entendu, nourri et logé et blanchi par vos impôts, chers auditeurs. Hein, vous qui payez les impôts, vous allez nourrir ce nègre. Et vous aimez, non seulement vous allez nourrir ce nègre, vous allez aussi nourrir ces espèces de démons qu'il a pondus avec cette pute. C'est-à-dire que ces espèces de suppôts du califat, les suppôts du califat, les mulâtres. Les mulâtres du califat. Les mulâtres d'Al-Baghdadi. Les mulâtres d'Al-Baghdadi. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont sûrement des bêtises de nègres et de blancs. C'est-à-dire que ce sont des créatures qui ressemblent très, très précisément à des maghrébins, hein, pour le coup. voilà. Donc c'est ces gens-là qui sont totalement inadaptés à quelques vies professionnelles que ce soit, hormis à considérer que le vol peut-être la prostitution, le proxénétisme et le trafic de drogue soient des professions, reconnues. Non, ces gens-là seront... à n'en pas douter, prise en charge par l'État maman, l'État nounou, qui pourvoie de ses grandes mamelles aux besoins de ses enfants, en l'occurrence des nègres. Bon. Et après, comme Hervé Le Bras, je m'interroge, les Français ne sont pas contents. Heureux. Ils vont enrichir le pays. Bien sûr. Tu parlais de prostitution et de trafic de drogue, comment dire ? Je rappelle que, en Belgique, c'est le cas, et j'ai vu qu'il était question de faire passer le même type de législation en France, c'est que la prostitution et le trafic de drogue entrent dans le calcul de la croissance. Donc, ils vont enrichir le pays. C'est vrai. Alors, autre chose aussi par rapport à la mention que fait cet article de merde sur les féminicides. Ah oui, non, mais ça c'est... Alors, j'ai vu passer, si tu veux, un de nos camarades participatifs s'est amusé depuis le début de l'année, en fait, à noter tous les articles de presse, toutes les occurrences de nana qui étaient crevées, hein, mm-hmm. voilà, de ce qu'on appelle féminicide. Tu avais correspondante à la population, en tout cas rapportée par la presse, des blancs et des arabes et des nègres. Tu vois, bon, ça restait assez intra-racial en fait. Sauf qu'en fait, un bon tiers, si tu veux, ou un bon quart, je ne sais plus, n'était pas mentionné. C'est-à-dire que bon, c'est-à-dire que les blancs, etc. On mentionne ça comme quoi des blancs tuent des blancs, etc. Mais des nègres tuent des nègres. Mais il y a une bonne partie qu'on ne mentionne pas. Et bon, ce qu'on ne mentionne pas, on sait en général que, hein, de quoi il en retourne. Mmh. Ce sont des métèques. Bon, les femmes apparemment aiment ça. Je ne voudrais pas aller contre le désir de nos princesses ariennes. Voilà, si vous voulez vous faire tuer par des nègres, allez-y. Hein. Magdav ou Titus veulent-ils dire quelque chose sur ce conte d'automne? Alors c'est comment l'adage? C'est back to call, pay the toll, je crois, c'est ça? Alors non, c'est burn the coal, pay the toll. C'est-à-dire brûle le charbon. Paye le tonneau, quoi. Paye l'addition, ouais. Paye l'addition. D'accord. Là, c'est le tonneau a été payé, hein. Il a même été percé. Non, mais enfin, moi je regrette. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, tiens, je pressens une croix de fer pour ce nègre, je le mettrai bien en liberté. Et là, j'ai vu qu'il restait trois orphelins charge. Oui, voilà. Et là, je me suis dit, cher ami, tu exagères. Oui, il aurait piqué. J'aurais pu aller au bout de tes idées. Ce n'est pas que les nègres ont beaucoup d'idées, mais bon, quand même. Là, il en a eu une, il aurait pu porter la chose un petit peu plus loin. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu piquer les négrillons. Alors là, moi, j'ai engagé une grève de la faim pour exiger sa libération, hein, filmée. Ah, bah, bien sûr. Ouais. Libérer. On n'a pas son nom. Fatou. Fofana. Bourama, voilà. Non, c'est pas ça. Libérons Bourama. Ah putain, Bourama. Titus, un peu de violence nègre sur des putains nègres, des blanches converties à l'islam. Est-ce que t'as envie de m'en dire quelque chose ou bien pas spécialement? Je dois dire qu'à chaque fois qu'une histoire comme ça arrive, ça me donne un beau sourire, hein, ça me remonte le moral. Hein. Quand j'ouvre mon ordinateur le matin et que je vois ça, je me dis « Ah, ça va être une bonne journée ». Mais surtout que là-dedans, il y a un truc qu'on voyait déjà dans l'affaire Weinstein, c'est que évidemment, dans le monde normie, on ne peut pas attaquer les juifs en tant que juifs, ou enfin on pouvait pas dire que Weinstein était un roi juif de Hollywood, comme là on peut pas dire que c'était un nègre. On peut accuser les gens qui font ça qu'en tant qu'homme, donc féminicide, un homme a tué une femme, enfin l'homme il a pas de couleur de peau, il a pas de race, c'est pas un juif ou un nègre, non, c'est juste un homme. Mais du coup les gens qui restent dans ce logiciel là, enfin surtout les femmes, plus elles ignorent la réalité, plus la réalité leur vient en pleine figure, c'est plus elles réalisent leurs rêves, et puis plus les juifs ou les nègres font ce qu'ils savent très bien faire, en l'occurrence magouiller pour baiser de l'Aryenne, hein, dans le cas de Weinstein, ou être un petit peu plus pimenté, un peu plus violent, quoi, dans le cas du nègre. Bon, là, il y a un peu de piment, quoi. Ah oui, là, c'est... Oui, là, il y a du piment, oui. Oui, je confirme. Maintenant, l'ambiance m'a fait. Une petite chose en plus. Ah, j'ai vu la photographie du nègre en question. Gracieusement publié, si je ne m'abuse, par DP. Oui. C'est un jeune nègre, mignon, moderne, avec une casquette américaine, un baseball hat dont la peine est tirée vers l'arrière. Finalement, chez ce type, il n'y a qu'une chose qui montrait qu'il était musulman, c'était sa poufiasse. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'était un nègre qui était familier des codes du sartorialisme, quoi. C'était un nègre qui était bien habillé, c'est ça, Fulbert. Bah, bien habillé, un nègre. Oui, il y a des. Non, c'était pas un de ces nègres spécialisés. Ah, c'était pas un sapologue, ce n'était pas un sapologue, quand même. Disons qu'il était moderne selon les critères de la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne suis pas anti-jeune, mais je dois bien reconnaître et affirmer que la jeunesse d'aujourd'hui, blanche, noire ou tout ce qu'on veut, franchement, il n'y a pas exagérément de choses à en tirer, hein, esthétiquement, je veux dire. Oui, oui, c'est-à-dire que le canon de la jeunesse, c'est de se faire, C'est du nègre se faire broquer par des nègres, hein, disons-le tout de suite. C'est, hein. c'est du nègre en baggy, si tu veux, avec le pantalon qui tombe au niveau des genoux. Bon, si tu veux... Quand je dis jeunesse, en fait, je précise, c'est adolescence. Oui. Oui, pas forcément, ça peut aller au-delà, je pense. Tu as raison, Fulbert, de mentionner la jeunesse, pour le coup. Oh là là. Destinée des putains nègres. Destinée. On était tous les deux destinés. Une destinée qui finit. Ouais, les asticots comme avenir de ce race démoniaque. Alors là, vu le baril, ça va être la fiesta pour les asticots là. Oh la vache! Oui? Bah écoute, moi une fois j'ai laissé quelques noix traîner dans un coin. J'ai eu les noix, hein. C'est-à-dire que bon, il faut quand même que les bestioles ils rentrent dans les noix, quoi. T'as des asticots qui venaient de partout. Mais alors là, dans des putains nègres bien grasses comme ça, oh là, ça va venir, mais là, ça va être absolument formidable. Ouais, ça va être pas mal. Les amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie des démocraties participatives. Vous allez voir que le contenu va être particulièrement bienveillant à l'égard de la race élue. Nebeska vrata ostavio lijepu našu bez gladi i rata pred nebeskom odsa klekne smije. riječima od zlata. Predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 37. Alors, rubrique numéro 3, sémitisme. Vous allez voir que ça donne le ton, en fait, pour la deuxième partie. C'est Le Figaro qui nous en parle. Le responsable de la Ligue islamique mondiale va se rendre à Auschwitz. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Al-Issa, se rendra dans le camp d'Auschwitz au premier trimestre 2020, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps nazis de la mort, en compagnie du grand rabbinat de France, en l'occurrence Chaim Korsia, et du Conseil des Églises chrétiennes, co-présidé par François Claveroli. La présence d'une haute personnalité de l'islam en ce lieu où des millions de juifs ont été exterminés devrait être une première mondiale. Cette annonce figure dans un mémorandum signé dans la soirée du 17 septembre, au Palais Brongniart à Paris, au terme d'une conférence internationale pour la paix et la solidarité co-organisée par la Ligue islamique mondiale, une institution saoudienne, et la Fondation de l'Islam de France, présidée par Khaleb Benchekh. Ce texte engage également ses signataires, Chaim Korsia, grand rabbin de France, François Claveroli, co-président du Conseil d'Église chrétienne et président de la Fédération protestante de France, et Mohamed Abdul Qassim Karim Al-Haïssa, secrétaire de la Ligue islamique mondiale, a lutté contre l'extrémisme et le terrorisme et tout faire pour diriger leurs thèses et contester leurs assertions. Les signataires s'engagent enfin à promouvoir la liberté de conscience et la liberté religieuse. Le mémorandum entend également opposer une culture de la fraternité contre l'oppression et la haine et affirme qu'il n'y a pas à choisir entre être citoyen et être croyant. On est citoyen et croyant. En particulier, en s'étant marqué par des rencontres multiples de religions différentes, mais aussi par la diffusion de rhétoriques de haine exacerbées et d'attaques extrémistes violentes. La tenue de cette conférence à Paris a été marquée par de nombreuses polémiques liées à la personnalité de Mohamed Al-Issa, qui fut ministre de la Justice de l'Arabie Saoudite avant de prendre la responsabilité de la Ligue islamique mondiale en 2016. Opposition également nourrie par l'objet initial de cette organisation fondée en 1962, qui est d'assurer la propagation de l'islam partout dans le monde et à qui l'on reproche d'avoir été le vecteur et le financement de la diffusion à l'échelle planétaire du wahhabisme et du salafisme, des courants fondamentalistes de l'islam dont certaines tendances ont versé dans le terrorisme. Le Conseil du culte musulman, par exemple, a refusé de participer à cette conférence internationale. L'Église catholique, quant à elle, est restée prudente. Celui qui devait la représenter, Mgr Jean-Marc Aveline, nouvel archevêque de Marseille et président du comité de dialogue interreligieux de la conférence épiscopale, n'est finalement pas venu, remplacé par Mgr Gérard Defoy, évêque émérite de Lille. L'Église est toutefois impliquée via le Conseil d'Église chrétienne en France, dont elle est membre signataire du mémorandum. Le père Vincent Feroldi, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans et de la Conférence des évêques, figure dans la liste du comité de suivi de l'application de ces mémorandums. Alors, donc voilà, bon, ça parle un peu religion sur la fin, mais la grande nouveauté, premièrement, c'est qu'on crée, enfin on fait croire, on crée un objet, en quelque sorte, qui fait croire que finalement l'islam se met à la page. Fini l'islam conquérant, fini l'islam donc wahhabite de l'Arabie Saoudite, et bonjour l'islam soft, l'islam ouvert aux minorités, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. C'est représenté donc par ce Issa, hein, ancien ministre de la Justice, qui a quand même fait exécuter 500 mécréants ou coupables d'hérésie dans son royaume. Bon, ça donne le ton. Et surtout, le grand phénomène, le pèlerinage à Auschwitz pour clôturer donc cet exercice. Alors là, je donne la parole à nos membres. Il semble qu'il y ait donc un rapprochement, parce qu'en fait les chrétiens sont là, mais ils sont plus là en tant qu'observateurs. Le grand rapprochement, c'est donc entre les juifs et le sunnisme dur financé par l'Arabie Saoudite. C'est donc le rapprochement entre, pardonnez-moi l'expression, mais entre le temple de Jérusalem et la Mecque. Et donc, il y a maintenant une alliance sémite tout à fait officielle, mais il y a une hiérarchie, puisque ce sont les représentants de l'Arabie Saoudite qui se déplacent, hein, c'est eux qui vont, qui viennent en France pour rencontrer les Juifs, le grand rabbin Corsia, avant de terminer à Auschwitz, pour bien qu'on comprenne qui se prosterne au pied de qui. Alors, qui veut m'en dire quelque chose? Si je peux... Ah oui, oui. Oui, alors, il y a quelque chose qui est très très drôle ici, enfin, moi je trouve ça vraiment drôle, c'est que ça fait très longtemps que l'Arabie Saoudite, enfin, les pétromonarchies en général, mais surtout les Saoudiens, ça fait longtemps que leurs agents sont parfois entraînés par le Mossad et qu'il y a des relations assez étroites entre eux et Israël, mais qu'ils ne veulent pas l'assumer, parce qu'ils ont quand même leur ego de musulmans, parce que relations compliquées, j'ai une jalousie de cousinage par rapport à leurs cousins juifs, donc ils n'ont pas trop envie d'assumer ce genre de rapprochement, notamment vis-à-vis d'autres musulmans qui ne bénéficient pas de ce genre de rapprochement, parce qu'entre eux, il faut maintenir la Oumma, la communauté musulmane. Donc forcément, ça fait un peu double jeu, et ça ne s'assume pas facilement quand on est musulman. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'il y a encore 10 ans, quand on allait en Arabie Saoudite, enfin en tant qu'Européen, si on allait en Arabie Saoudite, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, etc. Si on avait un tampon israélien dans la zone des visas de son passeport, on ne pouvait pas rentrer. C'est que les douaniers des pays arabes vérifiaient la zone des visas des passeports, et si on avait un visa israélien, on était rejeté à l'entrée. Et du coup, Israël faisait des espèces d'autocollants en guise de visa pour ceux qui allaient en Israël et qui prévoyaient d'aller dans un pays arabe après. Donc c'est dire quand même si c'était des ennemis déclarés, enfin en tout cas officiellement. Du coup, c'est drôle que finalement il y a des vérités qui sortent et que les Saoudiens se retrouvent un peu forcés d'assumer davantage leur rapprochement avec la maison mère, hein, avec la religion mère des trois monothéismes, en particulier du leur, hein, justement. Alors, permets-moi de te corriger, la religion mère des trois monothéismes et plus si affinité, c'est la religion de l'Holocauste. Donc, c'est d'ailleurs l'officialisation de ce truc-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, hein, effectivement, c'est difficile d'assumer l'alliance avec les Juifs, dirais-je, la suzeraineté juive, hein, parce qu'il faut quand même appeler un chat, et donc, voilà, ils ont du mal, ils ont mis le temps, mais ça se formalise. Fulbert, toi qui es observateur, dans l'article du Figaro, on apprend quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'à Auschwitz, donc à Auschwitz même, hein, on a tué des millions de juifs. Ce que... Ah bon ? Ouais, on a tué des millions de juifs. Alors, les gens vont me dire que là, je veux évoquer les thèses de Forisson, etc. Non, je veux pas aller aussi loin que ça. C'est pas nécessaire. Parce que il me semble que selon les estimations officielles, il y aurait eu 1 million de juifs. Donc, alors même pas. Non, on estime pas. Environ 900 000 voire moins. Environ 900 000 juifs morts à Auschwitz, plus 200 000 ou un peu plus de non-juifs, les prisonniers politiques communistes et autres. En tout cas, c'est ce que dit la thèse officielle. Mais le Figaro nous dit des millions de juifs qui ont été assassinés à Auschwitz, où va se rendre donc ce fameux Issa, prince saoudien, qui donc vient dire que l'Arabie saoudite reconnaît l'indicible. Mais plus que ça, et là on va y venir aussi un peu après, finalement, se rabiboche sur le dos de ces sales racistes blancs qu'étaient les nazis et, par extension, ceux qui leur succèdent aujourd'hui, à savoir les blancs. Donc, Fulbert, peut-être, sur cette comptabilité étonnante du Figaro Oui, certes. Enfin, le Figaro, il vaut ce qu'il vaut, tout le monde le connaît. Mais moi, il y a quand même une chose, je pense que les chiffres vont encore diminuer. Déjà rien que par les taux négatifs, ça va encore diminuer. Et par ailleurs, ça risque de mettre à mal certains gauchistes, vous savez, qui sont anti-sionistes, pro-palestiniens, donc pro-musulmans finalement. Ça risque de les mettre à mal. Même chose pour les boucaïques, parce qu'on va enfin pouvoir leur dire « Allez les gars, allez donc sucer vos amis, vos frères, les juifs. » Enfin, moi je le vois comme ça un peu simplement, quoi. Bah oui, là, les musulmans sunnites, ils vont être quand même très fortement invités par l'Arabie saoudite à avaler goulûment de la bite circoncise juive. Effectivement, ça me paraît clair. Qui veut sur ce... C'est vraiment un tournant important, je veux dire. C'est le Vatican II, en fait, de l'islam. Alors, l'islam est plus éclaté, hein, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de pays musulmans... Il n'y a pas une centralisation aussi forte, bien évidemment. Donc, l'effet sera plus circonscrit. Mais il sera quand même réel, je pense. Et cette initiative, à titre personnel, je la vois comme une espèce de grossière tentative de continuer à faire vivre le cosmopolitisme juif. Parce qu'en réalité, il s'agit de dire... d'abord, il y a plusieurs messages. Il y a au moins deux messages. Il y a un message en direction... des Blancs en Europe. Enfin, en fait, il y a trois messages. En direction des Blancs d'Europe, il y a un islam républicain qui existe, il est là, il est parmi vous, et ces gens-là sont des gens bien, il y a 1% d'extrémistes, mais on vous assure, on les a sous contrôle. Regardez ce magnifique Saoudien qui vient vous dire la même chose que nous, c'est bien la preuve. Voilà, ça c'est le premier message. Deuxième message, en direction des musulmans eux-mêmes. Votre religion, si vous voulez bien la pratiquer, il faut la pratiquer dans un sens qui soit judéo-compatible. Hein, il faut que vous fassiez allégeance à la République française et surtout allégeance aux maîtres de la République française que sont les Juifs. Suivez-moi lors de mon pèlerinage à Auschwitz, donc dit le prince Issa d'Arabie Saoudite. Et enfin, le message directement aux Juifs, qui est là, est vraiment la marque de la soumission. Et en fait, pourquoi ? Bon, bah, face à l'Iran, hein, voilà, donc l'Iran durcit le ton. Les Saoudiens commencent vraiment à avoir peur, et là ils sont tellement désespérés qu'en fait ils sont en train de mendier à la juiverie américaine, la juiverie israélienne, la juiverie française, toutes les aides possibles et imaginables. Et ça tombe bien, puisque les Juifs sont demandeurs d'une grande alliance sémite contre les Blancs et contre les Perses. Donc c'est vraiment parfait, à la fois contre l'Europe, l'Europe blanche, à la fois et la Russie, à la fois contre la Perse et aussi, alors un peu plus, de façon un peu plus lointaine, mais aussi contre les Blancs d'Amérique du Nord. Voilà, il nous faut une alliance solide sémite où on va dénoncer de concert l'antisémitisme et l'islamophobie. Voilà. Et je pense que ça, c'est en train de se formaliser, et ça se formalise alors, à Auschwitz précisément. Donc, au final... ça va encore être de notre faute, cette affaire. Voilà, ces gens-là sont chez nous. Ça, c'est fascinant aussi, ça montre un peu ce qu'est devenu Paris. C'est-à-dire que c'est à Paris que ça se passe. Hein, c'est pas à Bagdad, c'est pas à Riyad, c'est pas à Jérusalem, c'est pas à Alger. Non, non, c'est à Paris que les sémites viennent faire la fête pour nous dire qu'ils vont nous saigner, quoi. Moi, j'ai reçu le message 5 sur 5. Ça me fait plaisir parce que c'est jamais que ce qu'on dit depuis des années sur démocratie participative, à savoir que les sémites, quand il s'agira de saigner du blanc, ils seront toujours d'accord de s'allier. Donc, voilà. Ça me paraît cohérent. Et c'est bien que ce soit dit. Qui veut ajouter quelque chose, préciser quelque chose, peut-être ? Personne ? Non ? D'accord. Alors, on va passer à la rubrique numéro 4. Vous allez voir que j'ai de la suite dans les idées. C'est un article assez long, circonstancié du Times of Israel, mais vous allez voir que ça fait le lien avec tout ce qu'on dit. Alors, ça relate en fait les navires en mer Méditerranée qui font passer les migrants. Alors, comme vous le savez, Salvini n'est plus ministre de l'Intérieur en Italie. Du coup, Macron, le nouveau gouvernement italien, remettent le cap sur l'immigration de masse. Et on apprend toute une série de choses sur qu'est-ce qui se passe en coulisses. Et l'article du Times of Israel nous en dit davantage. Alors, ça commence comme ça. Un seul navire de sauvetage opère actuellement en Méditerranée centrale pour aider les milliers de réfugiés et de migrants qui tentent de traverser seuls l'Afrique du Nord vers l'Europe, d'après ses opérateurs. Le navire de sauvetage, surnommé Ocean Viking, a quitté Marseille au début du mois dernier. Il est géré par l'organisation humanitaire à but non lucratif SOS Méditerranée et le Conseil central des Juifs d'Allemagne pour la protection sociale s'est joint à un certain nombre d'autres groupes pour soutenir ses efforts. L'Océan Viking a fait la une des journaux européens le mois dernier lorsque, moins de deux semaines après son lancement, il avait déjà recueilli 356 migrants, pour la plupart originaires du Soudan, sur des bateaux en détresse au large des côtes libyennes. Sur capacité, le navire a ensuite été contraint de tourner au ralenti dans les eaux internationales pendant près de deux semaines, les pays européens ayant à contre-cœur conclu un accord pour absorber les demandeurs d'asile. Alors, je passe sur le témoignage du pilote. Alors finalement, 6 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie, ont accepté de les prendre à bord, enfin chez eux quoi, et la marine maltaise les a ramenés à terre. L'anarchie actuelle rend ces dizaines de milliers de réfugiés très vulnérables à la traite des êtres humains, au travail forcé et à d'autres formes d'exploitation. Outre les migrants à la recherche de meilleures perspectives économiques, de nombreux réfugiés utilisent également les bateaux fragiles pour tenter le dangereux voyage vers l'Europe. En tant qu'organisation juive, nous nous sentons obligés de ne pas rester les bras croisés dans une situation où une crise humanitaire se déroule sous nos yeux, surtout lorsqu'elle est si proche de l'Europe, a déclaré Aaron Schuster, directeur exécutif du Conseil central au Times of Israel. Tout ce que nous faisons en tant qu'organisation sociale et d'aide et de protection sociale est d'une part fondé sur les droits humanitaires, bien sûr, mais aussi sur les valeurs juives, a-t-il dit. Et comme le dit le Talmud, quand on sauve une vie, c'est comme sauver toute l'humanité. Alors, comment dirais-je ensuite, il y a encore un passage sur les opérations en elles-mêmes en Méditerranée. Au total, cette année, parmi les dons, hein, on note 150 000 euros à SOS Méditerranée, d'après Starke, donc, qui est le président de l'association. Il a déclaré que la mission de l'Océan Viking coûte 14 000 dollars par jour et que la plupart des 1,3 million d'euros que son organisation a récolté l'année dernière provenaient de dons privés de particuliers allant de 10 à 100 euros. Il est important dans une mission humanitaire comme celle-ci de s'adresser à un public aussi large que possible, a déclaré Starke, soulignant qu'il y a des obligations humaines et légales à ce que SOS Méditerranée fait. L'argent est important pour mener à bien cette mission coûteuse, mais le soutien moral est beaucoup plus important pour nous, dit Starke. Nous sommes confrontés à de nombreux défis et à de nombreux conflits au sein de diverses parties de la société qui pensent que le travail que nous faisons est lié à la migration, et il y a souvent un certain racisme à la racine du phénomène. C'est pourquoi il est très important pour nous d'avoir une large alliance, y compris avec le Conseil central juif, pour dire qu'ils soutiennent cela, et donc il ne fait aucun doute que les gens ne sont pas autorisés. Et donc ils ne devraient pas mourir. Le Conseil central juif a déclaré donc une de ses conseillères en développement organisationnel pour l'organisation qui est Laura Skazes. Donc ce conseil n'a peut-être pas autant de fonds à consacrer à l'Océan Viking qu'il le souhaiterait, mais le soutien financier n'est que l'une des façons dont procède ce groupe pour aider les migrants et les réfugiés. Alors voici ce qu'elle déclare. La question de la migration a toujours été l'une des tâches centrales du Conseil central juif, parce que la communauté juive, avant même l'Holocauste, a toujours été impliquée dans cette question, des juifs de l'Est cherchant une vie meilleure vers l'Ouest et finissant en Allemagne. Je passe là-dessus sur les détails. J'arrive à ça, donc... Madame Kazès a déclaré que depuis 30 ans, le Conseil central de protection sociale s'occupait des Juifs venant de l'ex-Union soviétique, la communauté juive d'Allemagne, après l'Holocauste, ayant sextuplé, passant de 20 000 à 30 000, avant l'afflux soutenu par le gouvernement pour atteindre environ 100 000 membres aujourd'hui enregistrés. Le Conseil central juif les a aidés non seulement à trouver une place dans la communauté juive, a-t-elle dit, mais aussi dans la société allemande en général, en les soutenant dans la vis-à-vis de la bureaucratie, en facilitant les cours de langue et en les aidant à construire des infrastructures. L'expertise accumulée au cours des dernières décennies a été jusqu'à présent toujours un sujet de niche pour la communauté juive, déclare Kazès, mais maintenant que tant de gens viennent en Allemagne pour chercher refuge, pour demander l'asile, nous nous rendons compte que les mêmes questions se posent. C'est donc ici que nous avons réalisé qu'il y a plusieurs bonnes pratiques clés que nous avons et que nous pouvons utiliser pour soutenir un atterrissage en douceur des personnes cherchant refuge en Allemagne. Schuster a déclaré que, bien que le Conseil central de protection sociale juif n'ait pas les ressources ou la capacité de construire d'énormes abris ou de fournir les premiers secours, l'organisation a pu former un partenariat avec l'organisation humanitaire israélienne Israed et a aidé à établir une branche nationale en Allemagne. Israed a fait venir des experts israéliens, travailleurs sociaux, psychologues, experts en traumatologie, et nous avons utilisé les liens que nous entretenons avec les autres grandes organisations sociales pour fournir essentiellement l'expertise des experts d'Israed dans les locaux d'autres organisations sociales, a déclaré Schuster, qui siège maintenant également au conseil d'administration d'Israed Allemagne. L'une des particularités de ces experts en traumatologie est que certains d'entre eux sont arabophones israéliens, a-t-il dit. Donc, en plus de l'expertise en la matière, il y a aussi une sensibilité culturelle à l'égard des problèmes des personnes venant de Syrie, par exemple. Par cette initiative, le Conseil central juif a reçu le prestigieux prix Nobel de l'intégration de la chancelière Angela Merkel en 2018. Le partenariat avec une organisation israélienne qui a alors fait appel à des spécialistes arabophones a été perçu comme une mesure très novatrice et très directe pour faire face à l'énorme sensibilité culturelle qui était nécessaire à la suite de la crise que la plupart des organisations sociales allemandes n'avaient tout simplement pas, déclare Schuster. Ils n'ont pas assez de traducteurs, ils n'ont pas assez d'experts capables de communiquer directement avec les réfugiés dans leur langue maternelle, et c'est là que l'idée non seulement de prendre soin des besoins les plus élémentaires des personnes, mais aussi de former des structures pour leur donner les moyens d'agir dans leur vie quotidienne a été perçue comme une approche très novatrice, a-t-il encore déclaré. Voilà. Alors, avant de poursuivre, sachez qu'Israed est une organisation contrôlée par le Mossad. Voilà. Donc... Israël, pour le Mossad, contrôle également les îles de Grèce où arrivent les migrants musulmans depuis l'Afghanistan, la Syrie, etc. Et ce sont par ces mêmes endroits que les djihadistes sont arrivés en Allemagne. Et pas seulement en Allemagne. Posez-vous 2-3 questions, ça peut être utile. Alors, je fais un tour de table. L'altruisme intéressait un petit peu, là, en action. Déjà... Israël a des côtes sur la Méditerranée, que je sache. Tout à fait. Alors, moi, je ne comprends pas, c'est quand même plus près que l'Allemagne. Pourquoi veulent-ils absolument envoyer toute cette merde afro-musulmane en Allemagne et en Europe plutôt que de les accueillir chez eux? Je sais, c'est un peu simple, mais c'est tellement plus pratique. Alors, d'autant plus pratique que Israël a des frontières directes avec la Syrie. En plus. Donc, on s'étonne, effectivement... de voir le gouvernement israélien déployer autant de moyens, de mettre à disposition de l'expertise pour acheminer des gens qui vivent à leurs frontières à des milliers de kilomètres en Europe. C'est étonnant. Attends, ils ont peut-être l'intention cachée d'amener tous ces afro-musulmans à Auschwitz ? Je ne pense pas, cher Fulbert, je ne pense pas. Je me pose la question. T'as raison de la poser... À moins qu'ils veulent peut-être ils veulent les envoyer à Auschwitz, mais à ce moment-là, c'est en pèlerinage pour qu'ils comprennent la racine de l'antisémitisme, de la haine des étrangers, de ces sales racistes blancs. Donc quelque part, peut-être que hein, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Peut-être que, et c'est ce que d'ailleurs, parce que j'ai pas cité tout l'article, mais à un moment donné, ils disent aussi que ils sensibilisent à la lutte contre l'antisémitisme les Arabes qui arrivent en Allemagne. Je présume en parlant de l'Holocauste. Donc, quand ils arrivent en Allemagne, ces gens, donc ces musulmans qui viennent de Syrie, je pense que s'ils quittent la Syrie, un certain nombre d'entre eux a quelques petites choses à se reprocher localement, hein, peut-être avoir coupé des têtes, je ne sais. Donc, ils arrivent en Allemagne, en terre chrétienne, en moins historiquement, et ils sont pris en charge par des juifs qui vont leur expliquer qu'en fait, bon, bah, déjà, le pays dans lequel ils arrivent est un pays de salauds, c'est un pays de racistes, d'antisémites, et que finalement, bon, ils sont fondés, comme les juifs, à tirer revanche. Je pense que le message est posé d'emblée. Voilà. Je pense que c'est toute la fonction, d'ailleurs, de l'action de ces services secrets israéliens. Qui d'autre là-dessus? Enfin, sauf si Fulbert veut dire quelque chose en plus. Enfin, là, c'est un exemple concret. Hein. Voilà, les cellules du renseignement israélien au cœur de l'Allemagne pour pomper des métèques qui viennent des pires coins djihadistes de la planète. Il me semble qu'on avait déjà eu le... Enfin, qu'on oui. On avait déjà évoqué le cas de l'organisation israélienne qui est directement en Grèce. Oui. Pour, ma foi, prendre en charge hein, la logistique pour catapulter des nègres sur toute l'Europe. Surtout des musulmans, en l'occurrence. Oui, bah, c'est bien. Ce qui vient de la Turquie, en général, c'est pas très catholique. Oui. Ouais. L'Afghan, du Syrien. Il y a eu deux opérations. Il y a une opération qui continue. C'est sur l'île de Lesbos, où sont ouais. présents les. Alors, ça, c'est géré par Israël. Les gens ne le savent pas, mais le Mossad contrôle ça. Donc, il leur donne des cours, etc. Toute une série de choses. Et aussi, ils ont des pointeurs qui viennent de l'armée israélienne, qui sont déguisés en civil, et qui, vous rappelez, quand il y a eu cette colonne qui est partie de Grèce, qui est remontée dans tous les Balkans et qui s'est retrouvée en Autriche, vous rappelez de ça, de ces images-là. Tout le long du chemin, Macédoine, Bosnie, Croatie, etc., il y avait des pointeurs israéliens pour les accompagner. Voilà. Donc comprenez bien que l'invasion musulmane n'est pas que musulmane. Elle n'est pas que musulmane. Il y a un catalyseur, tout ça. Voilà, hein. Bah, c'est le sémitisme. C'est le sémitisme, mmh. Voilà. Donc, alors, bon... Non, Gandalf, ça s'appelle de l'altruisme intéressé. Oui, c'est ça, bah, oui, c'est ça. Alors, donc, il y avait le premier exemple. Là-dessus, donc, on avait... Donc on avait cette Ligue islamique mondiale dont le dirigeant, le prince saoudien Issa, se rend à Auschwitz. Ça c'est maintenant, c'est cette semaine, sous la présidence de Castaner d'ailleurs, qui était avec lui à Lyon, puisqu'ils ont inauguré. Alors il y aura bientôt, je l'ai dit, hein, il y aura bientôt un monument dédié à la mémoire de l'Holocauste. Donc les dizaines de millions de juifs génocidés donc par Adolf Hitler. Et donc il va aller à Auschwitz, se prosterner, on en a parlé. Sur le terrain, vous le voyez, Israël et les Juifs aident activement les musulmans à s'installer en Europe. Hein, ça c'est l'exemple que je viens de citer. Chagala fait un peu de noter que M. Castaner, ministre de l'Intérieur, hein, oui. était là ce week-end à la synagogue de la Victoire. Hein, pour, ah, était-il oui, là-bas quoi. Mais, oui, il y était, parce que il m'est arrivé d'allumer la télévision ce matin. D'accord. Et de tomber sur Castaner avec une kippa sur la tête, ah. Avec des juifs qui complotait à la fois en présence de ce ministre débile. Ça devient intéressant parce que plus la République devient laïque, plus les ministres sont dans des synagogues. C'est quand même surprenant. Ouais. Moi, j'ai noté quelque chose de cet anti-office, c'est que Dieu ne juge pas sur ce que nous faisons. C'est assez, C'est assez particulier en espèce. Hein. Ah bon, ah, c'est ce qui a été dit. Ah, c'est... ah oui, ça a été traduit comme ça en tout cas à la télévision française, au service public. Dieu ne juge pas des actions que nous faisons. Écoute, bon, oui, c'est valable uniquement pour les vrais êtres humains, ça. Oui. Bah, les élus. Là, tu es au courant de certaines choses, oui, tout à fait. Non, mais quelle sale race. Et puis bon, Castaner, quel rat, hein, quel rat puant. Il m'en rappelle quelques autres. Oui. Mais, vous savez, j'ai quand même vous rappeler quelque chose. Quelqu'un avait écrit, je crois, le Juif éternel, je ne me rappelle pas qui. Et le Juif n'a pas changé, rappelez-vous. Lorsque les Maures musulmans ont envahi l'Espagne, les Juifs ont aidé, tant qu'ils le pouvaient, l'envahisseur maure. Ça a duré l'occupation de l'Espagne pendant près de 7 siècles, si je ne m'abuse. Et lorsque les Juifs ont eu à souffrir de l'administration musulmane, parce que ses dirigeants avaient changé au fil du temps, ils se sont retournés contre les musulmans, hein, les Maures, et ont aidé les Espagnols à la Reconquista. Rien ne change. Le Juif aujourd'hui aide à la conquête de l'Europe jusqu'au moment où les musulmans, les singes musulmans, devenus insupportables et chassant le Juif, parce que ça va arriver, ils vont se retourner et aider les Européens à se libérer de cette emprise. C'est une question de temps. Je ne veux pas être exagérément optimiste, mais une chose est sûre, le Juif n'a pas changé. Il reste ce qu'il a toujours été, une merde puante. Je n'aurais pas mieux résumé. Qui d'autre? Titus. Oui. Ah bah ouais, les grands esprits se rejoignent. Là, je voulais intervenir. Oui, c'est. Je rejoins Fulbert. Je pense que c'est tout à fait possible que les Juifs finissent par se retourner. Mais s'ils se retournent, moi, je me souviens que l'Andalousie, ça a été beaucoup chanté par des romanciers, des historiens juifs qui ont essayé de nous vendre du rêve. L'Andalousie est multiculturelle, colorée, exubérante, etc. Par opposition au Moyen-Âge triste et beaucoup trop catholique. Et je me dis, même si les Juifs, enfin, ou quelques Juifs pourraient hypothétiquement aider à la Reconquista de l'Europe aujourd'hui, moi j'imagine bien des historiens juifs du futur essayer de chanter notre époque et de dire qu'en fait notre époque est absolument géniale, que le rap était un rayonnement humaniste magnifique, et essayer de réécrire l'histoire à nouveau dans leur sens. Je pense que là-dessus, là aussi, ils ne changeront jamais, hein, nos amis les Juifs. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'historiens pour écrire quelque histoire que ce soit dans le futur. Oui, ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire, je vais te dire, Titus, moi, je ne suis pas si optimiste pour arriver à imaginer des historiens juifs du futur. Alors, oui, c'est ça. C'est un concept qui m'apparaît tout à fait abscond. Si mais bien sûr que si, les gars. Tant il y aura des historiens qui compteront les exploits de l'homme français qui, grâce à Diallo Aviation, ont conquis Mars. À partir de pyramides volantes. Oui. Bien sûr. Moi, j'imagine tout à fait un passé à la planète des singes, en fait. Avec des nègres. Alors, non, mais pour revenir. Que... Bah oui, non, mais disons que là, on voit vraiment la perfidie juive à l'œuvre. Les juifs, là, sont occupés à essayer de détruire la race blanche partout où elle se trouve. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne crois pas du tout à ces théories sur des alliances, machin, les juifs vont changer d'avis, etc. Non, parce que les choses vont tellement vite. Et de toute façon, changerait-il d'avis que ce serait tellement grossier, encore plus grossier que ce qu'ils font aujourd'hui, que de toute façon, personne ne voudrait leur accorder quelque crédit que ce soit, sauf une mince couche d'opportunistes parasitaires dont nous allons parler tout de suite après. Mais à part des couillons de cette nature, non. Surtout quand ça va devenir violent. Parce que ça va devenir violent. Ça ne peut que devenir violent. Quand vous regardez la masse d'immigrés qui arrivent en Europe, que ces gens ne veulent aucunement transiger sur quelque point que ce soit de leurs us et coutumes barbares, hein, ce n'est pas possible que ça finisse autrement, comme toujours dans l'histoire, que dans un bain de sang. Ça va terminer dans un bain de sang. Pourquoi ? Parce que, depuis 13 siècles, pour ne parler que de l'islam, depuis 13 siècles que l'islam existe, partout où il arrive, ça se termine dans un bain de sang. Donc, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est la règle. Voilà. Ceux qui sont amateurs de récits multiculturels relatifs à l'islam, moi je les invite à s'intéresser à la conquête de l'Inde par l'islam. Si vous voulez voir des choses, je veux dire, effrayantes parmi les choses effrayantes, c'est bien ça. Vous n'avez pas idée de ce que les Indiens hindous, hein, donc les Indiens qui n'étaient pas musulmans, ont subi pendant des siècles et des siècles et des siècles d'occupation islamique. Vous n'avez pas la moindre idée. Ben, il suffit de donner les chiffres. J'ai lu un long article très intéressant sur la question. On estime que pendant 8 siècles où l'islam a essayé de s'imposer en Inde, ils ont provoqué environ 400 millions de morts. Ça peut sembler énorme. Documentez-vous, ceux qui nous entendent, et vous verrez que je ne raconte pas des blagues. Bah, 400 millions, c'est... Oui, c'est, en fait, c'est l'Hindou Kush, hein. C'est par là, je crois. L'Hindou Kush, en fait, ça veut dire la mort de l'hindou. Alors, pourquoi la mort de l'hindou ? Parce que les Indiens hindous étaient réduits, donc les koufars, les infidèles, étaient réduits en esclavage, et ils portaient à dos d'homme ce que les musulmans voulaient qu'ils portent. Et ils mouraient par milliers et milliers et milliers dans cette fameuse région de l'Hindou Kush, dans les montagnes. Hein, ils crevaient comme ça, voilà, ils crevaient dans les falaises d'épuisement, de famine, etc. Et ils étaient remplacés par nouveaux esclaves. Ah, c'était l'enfer sur Terre. D'accord ? Oui, alors c'est sur 5 siècles. Hein. C'est sur 5 siècles. Voilà. J'ai plutôt entendu parler de 100 millions de morts. Mais c'est sur 500 ans. En fait, c'était des raids permanents. C'était le terrain de chasse des musulmans, quoi. Un petit peu comme, d'une certaine façon, le nord du Péloponnèse était le terrain de chasse des Spartiates, où ils allaient se battre avec les Hélotes. Et puis les tuer, quoi, hein, s'entraîner. Bah, il se passait un petit peu la même chose avec l'Hindou Kush, mais sur un territoire beaucoup, beaucoup plus vaste. Alors, dans ces... Oui, parce qu'il faut comprendre ça. C'est au moins une centaine de millions sur 8 siècles. Il y a d'autres chiffres qui sont avancés. Mais sur 8 siècles, c'est-à-dire sur 800 ans, ça paraît tout à fait possible. Parce qu'il y a des exemples très connus qui sont documentés de chefs musulmans, donc de certains émirats, territoires sous la coupe, territoires indiens sous la coupe des chefs musulmans, qui disaient, voilà, cette année on part en campagne, donc tous les ans ils partaient en campagne, et ils fixaient comme limite minimale, 100 000 têtes d'hindous. Il fallait 100 000 têtes d'hindous, voilà, on part en campagne militaire, donc voilà, il faut... comprenez-moi bien, c'est pas des soldats, hein. faut pas 100 000 têtes de soldats, faut 100 000 têtes d'hindous. Et ça, c'était tous les ans. Si vous voulez, c'était un peu comme aller à la moisson, quoi. Donc il fallait moissonner les têtes d'hindous tous les ans. Alors quand vous en faites 100 000 en une campagne, bah, si vous en faites 10 ans, vous en avez 1 million déjà. Voilà, pour un de ces chefs-là dont j'avais lu les exploits. Ça n'en est que un. Donc si vous voulez, pour en revenir à la situation présente, l'islam ne vient juste que de reposer le pied. En Europe, et surtout en France, mais en Europe de l'Ouest en général. Donc, ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver, mais en l'espace de 50 ans, ils sont déjà, en France, pratiquement 10 millions. C'est énorme. Bon, on va atteindre encore 30 ans, 40 ans, ils vont être 20 millions, 25 millions. Et encore, ces gens ne sont que les musulmans. C'est pas tous les colorés. Hein. C'est que les musulmans. Hein. Et ces gens-là, quand ils seront 20 millions, 25 millions, vous aurez le djihad en France. Point barre. Alors, de quelle intensité ? On peut en discuter. En discuter de l'intensité, effectivement. Mais quand vous voyez la pénétration des États islamiques, du Golfe notamment, mais pas uniquement en France, regardez, vous avez vu. Les sémites veulent se rabibocher entre eux, se réconcilier, là, les juifs, les saoudiens, machin. Ça se passe où ? Ça se passe à Paris. C'est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que la France est le lieu naturel du sémitisme aujourd'hui en Europe. Pourquoi ? Ben, en raison de la forte présence juive et de la très forte présence islamique. Qu'est-ce que ça va être dans le futur ? Donc imaginez demain s'il y a un conflit et que, exactement de la même façon que ça s'est passé en Syrie ou que ça s'est passé en ex-Yougoslavie, ces États du Golfe musulman décident de financer les musulmans, décident de leur payer des armes. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce sera bien, comme ça pour l'État français pourra leur revendre. C'est... Bah, non, mais... oui, c'est en fait la seule possibilité, et encore, pour que ça ne se passe pas de manière aussi violente, c'est que l'État français dise ouais, nous on se convertit à l'islam, enfin les dirigeants ils disent oui, nous on est une puissance islamique maintenant et on fait partie du corps. Ne plaisante pas. Hein. Ah, je plaisante pense pas. Que c'est la seule. Non, la paix sociale vaudra bien une shahada. Hein. Ça c'est possible. Oui, non, mais l'État français, si tu veux, déjà depuis l'été dernier, il a fait en sorte que les gens qui ont des armes, par exemple, qui avaient des AK-47, par exemple, des armes neutralisées de l'ex-bloc de l'Est, ouais. Tous ces trucs-là ne sont plus vendables. C'est-à-dire que les gens qui les ont les gardent. Mais ça ne peut plus s'acheter en armurerie parce que potentiellement ça pourrait être remis en full auto, etc. Donc dangereux. Hein. Donc l'État français a des priorités. Hein, des priorités qui sont, parfois, le fait que les choses ne bougent pas. Apparemment. Mais il y a d'ailleurs, sur ce sujet, un petit événement qui s'est produit en Belgique. Qui, à mon avis, n'a pas dû être connu, rapporté par la presse française. En Belgique, il y a eu 358 armes saisies, et donc sans doute presque autant de perquisitions, il y a une ou deux semaines de cela, chez des gens qui avaient acheté des armes civiles, dans une armurerie en France, à Maubeuge. Avez-vous entendu parler de ça ? Non, peut-être le titre, mais j'ai pas les détails, non. Oui, c'est-à-dire des armureries françaises qui vendaient des armes en Belgique, c'est ça ? C'est ça, parce que la loi française était moins contraignante que la belge, et donc en étant membre d'un club de tir, en ayant une licence sportive, il était possible d'acheter une arme en France, quitte à prendre même, d'après ce que j'ai lu, devenir membre dans un club de tir français. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois que c'est plutôt vous présentiez une licence de tir, qu'elle soit belge ou française, et vous pouviez acheter une arme d'une certaine catégorie. Bon, des tas de Belges ont acheté. Et l'armurier a subi sans doute une perquisition, on a fouillé son registre et on a relevé toutes les identités des acheteurs belges. L'information a été donnée à la police belge et il y a eu, 358 armes saisies et je vous le dis, pratiquement autant de perquisitions. Ouais. Alors pour le coup de Fulbert, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, enfin... Si ces armuriers ont pu vendre des armes de manière plus ou moins floue, c'était probablement des armes de catégorie C, c'est-à-dire armes de chasse ou carabines à verrou. Parce que des armes de catégorie B, donc des armes de poing ou des armes semi-automatiques, il faut des autorisations délivrées par la préfecture pour les vendre, hein, en tout cas depuis une armurerie. Je confirme, c'était des armes longues, effectivement. Oui, des armes longues manuelles, du coup, à rechargement manuel. Bon, c'est pas. D'accord. Attention. Peut-être que chez vous, c'est quelque chose de réglementé, de très réglementé, mais enfin, en tout cas, en France, beaucoup, ça ne l'est pas vraiment. Quoi. En tout cas, il est certain qu'il y a en Belgique une peur, panique de l'autorité vis-à-vis des armes détenues et non déclarées. Ils ont une trouille. Total. Ouais, c'est intéressant ça. C'est des gens qui sont pas rassurés. Pourquoi ont-ils peur de la population en armes? On se demande vraiment pourquoi. Bah écoute, je t'invite à regarder la. Oui, je t'invite seulement à regarder la gueule du bourgmestre de Molenbeek. Oui, mais qui est une femme. Déjà. Oui, effectivement. Mais c'est la fille de l'ancien imam Philippe Mouraud, qui c'est était ça. Un grand socialiste, un débatteur de talent, d'après ses ennemis de droite. Hein. Et il y a aussi autre chose. Si vous prenez la Wallonie, puisque Molenbeek est à Bruxelles, mais bon, il y a la communauté Wallonie-Bruxelles, ça me fait toujours rigoler. Vous regardez les grandes villes de Wallonie, elles sont tenues par des socialistes. C'est Philippe Claus à Bruxelles, c'est Willy de Meyer à Liège et Paul Magnette à Charleroi. Tous ces gens-là sont des socialos, ce sont des communistes, il n'y a rien à faire. Et l'imam Mouraud était aussi un communiste, parce qu'il avait même un buste de Karl Marx dans son bureau, très connu. Non, mais c'est vrai en plus, hein, je n'invente pas. Et c'est sa fille qui lui a succédé. En plus, ces enculés sont dynastiques. Et ils sont laids. De génération en génération, ils sont de plus en plus laids. Regardez la gueule de l'actuel bourgmestre. Donc, ça, c'est fascinant. Lui, il est passé de Karl Marx à Mahomet. Alors, par contre, il y a une explication. C'est parce qu'il aimait bien baiser de la Marocaine. Et il s'est marié avec une Marocaine, donc il s'est converti à l'islam pour une beurette. Mais il est passé à la tombe juste après. Hein. Ouais, il est mort d'un cancer. Il s'est pas beaucoup cassé le cul, hein, parce que la Marocaine qu'il a épousée, c'était une des échevines de la commune. Oui, de 35 ans, sa cadette. Oh, la gauche, c'est beau. Alors, là, avec le cas de l'Allemagne, là, et du soutien donc financier apporté à ces navires, à ces ONG qui transportent, on l'a dit, du Soudanais, etc., donc qui sont les chevilles ouvrières donc de l'invasion islamique de l'Europe. Donc ce soutien juif, il est opéré, et donc il y a le parallèle au plan politique entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui passe par la diffusion, la surdiffusion de cette religion surréelle qu'est la religion donc de l'Holocauste, puisque donc l'autre il va aller en pèlerinage à Auschwitz. Alors tout est bien qui finit bien entre les sémites. Et maintenant qu'ils sont copains comme cochons, du moins pour le moment, en tout cas quand il s'agit d'assassiner des Blancs, tout ce beau monde-là va se mettre en mouvement, au sens propre comme au sens figuré. Sur ces entrefaites, messieurs, et c'est le dernier point de notre discussion de ce jour, nous avons une soi-disant conférence, convention de la droite qui a été lancée par Marion Maréchal Le Pen, et qui est censé rassembler très largement ce que cette personne décrit comme étant le conservatisme, un clivage qu'elle essaye désespérément de faire exister et d'incarner. C'est pas très facile. Et alors, il y a toute une série de personnes... Il y a toute une série de personnes qui... doit participer à cette conférence de la droite, cette convention de la droite, et vous allez voir que ça en dit long. Alors là, je me tourne peut-être un petit peu vers Derrick. Qui vient participer à cette convention de la droite ? Bon, alors, cette convention de la droite, bon, on a, bien entendu, Éric Zemmour qui se pose un petit peu là, en tant que chaînon manquant de la droite républicaine et des méchants. Mais je ne vois pas beaucoup de méchants dans la liste, mais... Admettons... Bah oui, c'est ça le truc. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il a dit du bien du Marshall Pétain, qui voulait beaucoup de mal à Adolf Hitler, par exemple. Bon, voilà, c'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle les méchants. Nous avons ensuite le grand rabbin... Raphaël Antoven. Ah oui, alors ça c'est très important. Donc Raphaël Antoven a été convié à cette convention de la droite. Alors là, comment, où? Alors lui, c'est pratiquement, si vous voulez, l'observateur de l'ONU bien comprise, c'est-à-dire du CRIF. Donc le CRIF, la LICRA, donc, la juiverie française organisée, la juiverie internationale organisée, est convié par Marion Maréchal pour superviser les discussions de ce qu'elle appelle la droite et des conservateurs. Bon, ça donne le ton. Hein. Eindhoven n'a jamais été de droite, ni de près, ni de loin. Donc voilà, c'est clair. Donc, bien au contraire, c'est vraiment un antifasciste juif et un antiraciste forcené. Donc c'est vraiment quelqu'un dont la place ne peut pas être motivée en disant « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui appartient à tel parti, etc. » Non, mais pour que nos auditeurs les moins avertis sachent à quel type de personnage ils ont affaire, c'est un type qui est allé faire un gosse à la nana de son père. Voilà. Bon. Oui, là, on invitera nos auditeurs à se référer au livre d'Hervé Ryssen, Psychanalyse du judaïsme. Voilà, hein, cher ami, Google, Hervé Ryssen, judaïsme. Voilà. Inceste. Vous allez trouver tout ce qui est inceste. Hein, Hervé Ryssen, judaïsme, inceste, oui, ça, c'est une trifonctionnalité tout à fait... Tu dis, il a fait un gamin à la femme de son père, mais qui n'est autre que Carla Bruni. Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, le gamin est en train de grenouiller du côté de l'UPR de François, une espèce de gros porc souverainiste, hein, l'espèce d'horrible. C'est un souverainiste africain qui défend assez brillamment ses positions. C'est un horrible type qui ne supporte pas qu'un Français puisse donner 5 euros à la Lituanie au lieu de le donner à nos chers maliens. Les nègres. Oui, mais à la différence que... Oui, les nègres francophones. Non, à la différence que les Lituaniens poignardent nos femmes dans les rues, tandis que les Maliens, eux, jamais. Tu peux parler de Reichstadt? Ah, oui, notre ami qui est en pointe sur la lutte contre le complotisme. Il est au sein de l'observatoire du conspirationnisme. C'est un rabbin laïque. Mais avec Tristan Mendès. Oui, c'est ce sont des rabbins qui sont. Voilà. Il faut saluer Tristan. Oui, toujours. je ne rate jamais l'occasion de faire un gros poutou à notre ami Tristan. Alors, à noter, permettez-moi Camus, Jean-Yves Camus, le spécialiste de l'antifascisme, hein, donc de la lutte contre l'extrême droite, qui est toujours interrogé par la presse. Converti au judaïsme, hein, n'oublions pas. Oui, c'est pas un breton. Hein. C'est pas spécifié dans sa rue, mais il est converti au judaïsme. Et alors, c'est quelqu'un qui a dit du bien. Il a dit, oui, dernier numéro de l'Incorrect, très bien. Une interview tout à fait intéressante de Rudi Reichsrat sur donc le conspirationnisme. Alors, c'est très étonnant puisque donc le journal proche de Marion Maréchal fait écho à des juifs qui sont en pleine guerre avec l'aide du gouvernement contre la droite nationaliste pour maintenir la narration officielle post-45 et pas uniquement, et qui attaque tout ce qui peut ressembler à une force d'opposition qui remet en cause les grandes vérités établies. Ça, c'est convié généreusement dans les colonnes donc de l'Incorrect, le magazine qui est autour, enfin qui fait la promo de Marion Maréchal, même équipe donc qui organise cette convention de la droite où on retrouve, c'est étonnant, Raphaël Eindhoven, un autre rabbin qui vient coller son nez là-dedans pour, je présume, donner les bons et les mauvais points. Ouais. Alors, on part sur cette base-là. On me souffle dans l'oreillette que le rédacteur en chef de l'Incorrect, très catholique, très pieux, Jacques de Gibbon, qui est aussi très ahuri, ma foi. Je ne sais pas si c'est très... c'est un rapport. Mais on me souffle que cette Anne Batté serait en couple avec une juive, hein, d'où le judéo-christianisme. Bon, voilà. Sarah, Esther, le livre d'Esther. Il y a des choses qui se sont déjà vues dans le passé. Bon, manifestement, certains n'en ont pas tiré les conclusions adéquates. Le roi perse, effectivement. Oui. Petite précision. Oui, bah, le fameux Jacques de Guillemont, il y a quelques mois, je me souviens qu'il a viré un de ses rédacteurs, qui était un jeune catholique qui écrivait à l'incorrect, parce que une nana un peu connue dans certains milieux, mais qui par ailleurs n'a pas grand intérêt, a passé des jours et des jours à harceler de Guillemont sur Twitter et à prétendre que le jeune homme en question l'avait harcelé et insulté. Enfin, c'était une pure inversion accusatoire. Et Guillemont s'est platement soumis et il a viré le malheureux gars. Sachant que la fille qui lui a fait du chantage n'est même pas juive ou de ses lobbies. Que non, c'est juste une espèce de connasse d'internet, de Twitter, devant qui de Guillemont s'est aplati en rampant. Donc ça en dit quand même assez long sur cette magnifique équipe qui entoure Marion Maréchal. Oui, c'est-à-dire que ce type-là s'est aplati devant des espèces de machins là, qui arrivaient dans ses où, comme Marion Maréchal, de toute manière, s'est mise à foutre sous le tapis les catholiques un petit peu trop encombrants, c'est-à-dire des catholiques qui disaient « Oui, mais quand même, Monsieur Soros, quand même, c'est assez dérangeant. » Marion Maréchal Le Pen a dit non, Monsieur Soros, n'en parlons pas. Alors, elle a été la même équipe autour d'elle, donc l'équipe clairement juive autour de Marion Maréchal Le Pen, et donc de ce, je sais pas quoi, la catho machin, enfin catho juif là, a dit, parce qu'elle a été conviée à un événement organisé par des cathos tradis, et elle avait dit oui. On en avait parlé à l'époque. Et elle s'est désistée. Et ça a été expliqué dans la presse mainstream, dans la presse la plus officielle, parce que son entourage, entre guillemets, donc c'est-à-dire les cathos juifs, là, ont communiqué pour elle dans la presse. Ils ont dit « Oui, elle n'y va pas, parce qu'on n'aime pas la critique de Soros. Et on n'aime pas non plus tout le truc, je crois, c'était tout le bazar sur l'avortement et que sais-je, enfin, les questions de société, quoi. » Alors bon... Ça va, ça vient, mais toujours est-il que voilà, la critique de Soros et de l'immigration, c'était pas possible. C'était pas possible de dire que le gros juif Soros, qui est partout, qui est à Davos, qui s'exprime par 40 canaux, qui finance à gogo les pires organisations pro-immigration, il n'est pas possible de dire que Soros est vaguement derrière l'immigration, ce que se permet de faire Viktor Orban, permettez-moi de le dire. Orban fait même des campagnes anti-Soros dans les rues de Budapest. Bon. Donc, ce que se permet de dire et de faire un Premier ministre hongrois en fonction, Marion Maréchal se l'interdit, et au nom de son amitié visible pour Israël. Bon, son père était un agent du Mossad, revendiqué et reconnu, hein, je veux dire, il l'a expliqué dans sa propre biographie, c'est pas moi qui invente. Hein. Donc, il y a quand même un problème, je veux dire, même un très très sérieux problème, donc, d'autant que c'est censé être une convention de la droite. Alors, non, c'est une convention, du consistoire, à laquelle est convié Marion Maréchal et quelques cathos glandus, voilà, et qui a été, je ne sais pas par quel mystère, appelé convention de la droite. Non, c'est le consistoire israélite de France qui organise ça. Alors ça, c'est plus anecdotique, mais c'est marrant quand même. Ils ont convié une commentatrice conservatrice américaine qui est une négresse qui s'appelle Candace Owens, parfaitement inconnue en France, mais si vous voulez, qui fait dans... Biwak. Voilà, oui, voilà, qui fait dans la rhétorique suivante. Nous ne sommes pas racistes. Enfin, nous à droite, nous ne sommes pas racistes. La preuve, je suis noir. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de prouver par A plus B aux médias juifs que non, Marion Maréchal n'est pas raciste, que non, elle n'est pas antisémite, que non, elle n'est pas, hostile à aux homosexuels, etc. Bref, qu'elle ne s'oppose en rien aux grandes vérités révélées du système, mais que par ailleurs, elle est en rupture avec ce même système. C'est ce qu'on nous explique, quoi. Alors moi, je vais juste dire un truc, ensuite je vous donne la parole. Mais, bon, dans cette bar mitzvah, là, qu'organise Marion Maréchal Le Pen, ou plutôt qu'on organise pour Marion Maréchal Le Pen, je vois la valeur ajoutée pour les Juifs. Voilà, ils ont une nouvelle tête de gondole parmi toutes les autres, parce qu'ils ont, comme s'ils en manquaient, bon. Et ils ont Marion Maréchal qui est là aussi pour dire tout le bien qu'elle pense d'Israël, puisque Marion Maréchal, dans son école à Lyon, organise là, ces jours-ci, une discussion sur la vie politique israélienne avec un invité juif qui vient d'Israël, etc. Bon, bref, c'est vraiment le... Bon. Donc voilà, plus tout ce qu'on a une, dit. Un invité israélien. Hein, oui, un invité israélien. Voilà, donc c'est une école qui est censée former des cadres, je ne sais pas quoi. Bon, ça, je sais pas, ça, à mon avis, ça ne forme pas grand-chose. C'est censé former des cadres. Ils sont formés par des Israéliens qui viennent d'Israël tout spécialement. Bon, c'est le Likoud qui vient former les futurs cadres qui sont avec Marion Maréchal Le Pen. Bon, c'est grotesque. Bon, donc on a des nègres qui viennent des États-Unis pour expliquer que non, il n'y a pas de racisme. Bon, donc la valeur ajoutée pour les juges, je la vois. Je vois bien, en fait, la valeur ajoutée de cette convention dite de la droite pour les juifs, puisqu'ils ont une nouvelle tête de gondole médiatique créée par eux d'ailleurs, qui est Marion Maréchal, pour vendre ou pour continuer à vendre les vérités révélées qu'ils promeuvent partout par ailleurs. Bon, que ce soit sur Israël, que ce soit sur les juifs en France, que ce soit... Enfin, donc le philosémitisme dogmatique promu, etc., c'est la bienveillance obligatoire que l'on devrait monter à l'égard des juifs, hein, qui nous veulent tant de bien, bon... Voilà, ça, du point de vue juif, je vois la valeur ajoutée, je l'identifie bien dans cet événement, d'accord. Du point de vue des métèques et des immigrés, Marion Maréchal va faire parler une négresse américaine qui va dire « Non, mais rassurez-vous, on est tous antiracistes. » Bon, alors du coup, j'en conclus que, du point de vue métèque, du point de vue des étrangers, des halogènes, des noirs, des arabes, cette convention leur offre un minimum de gage, au moins symboliquement. Voilà, Marion Maréchal leur dit « Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas mes ennemis politiques. » Bon, d'accord, donc. Ni les juifs, ni les étrangers, les immigrés afro-maghrébins. D'accord. Bon. Alors du coup, je me pose la question, quelle est la valeur ajoutée pour les blancs? Pour les Français de souche? C'est quoi la valeur ajoutée? Quand on écarte le philosémitisme et quand on écarte le cosmopolitisme antiraciste, quelle est la valeur ajoutée pour les blancs? Il n'y en a pas. Marion Maréchal ne va pas prendre la parole en faveur des populations blanches assiégées par les métèques qu'importent les juifs. Au contraire, c'est la mise en scène symbolique de son ralliement aux groupes ethniques et raciaux qui nous sont fondamentalement hostiles. Donc, c'est ça la fonction de ce truc. Est-ce que tu permets, Jérganov, que j'apporte une précision sur cette négresse Ewok Oui, vas-y. Qui est invitée par... Candace Owens, elle s'appelle. Bon, donc cette négresse machin là, Wentz, a pris position l'année dernière, il y a tout juste un an, pour le droit des détenus américains, qui sont majoritairement des nègres, à participer, avoir des droits civiques. Hein, à voter, tu veux dire. À pouvoir voter, en l'occurrence, pour l'élection présidentielle. Alors que, bon, quand ils sont en prison, généralement, ce n'est pas le cas. Parce que, c'est merveilleux, les Noirs qui sont en prison, ils se sentent oppressés par les démocrates, j'y vois un grand... Enfin, bon, ouais. Hein, bon, mes couilles et compagnie. Donc voilà, c'est cette négresse-là est en train de susurrer à l'oreille de Donald Trump le fait de légaliser le droit de vote pour les prisonniers nègres. Rendez-vous compte un petit peu de la situation absurde. J'espère que... Enfin bon, là, la chose a lieu là, ce week-end. Enfin, le week-end qui vient là, pour ceux qui nous écoutent. Cette réunion de Tartuffe. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour demander à cette ignoble putain de Marion Maréchal si elle aussi est favorable à la légalisation, enfin, au fait que les prisonniers puissent voter. Hein. Alors, ça serait... Ces gens-là s'établissent en tant que supra-républicains, que ce soit Marine Le Pen, République, etc. Dès qu'il faut cracher sur les ennemis de la République, on est là. Marion Maréchal, elle est drivée par les espèces de types avec des nez en... Enfin, en forme de cerf d'aigle, quoi. Hein. C'est terrible. Oui, Alors le problème, bon, c'est que le vote des détenus, le problème, c'est que Macron vient de le faire. Donc malheureusement, si tu veux, elle l'aurait bien fait. Peut-être l'éligibilité des détenus. Ah, c'est tout à fait, oui, ça serait. Moi, j'attends un élu Front National homosexuel, nègre, sidaïque et prisonnier. Voilà. je pense que nous sommes pas très loin. Ça peut faire rire nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant des courants de sida, oui, enfin, qui sont pas au courant de la boutique interne. Oui, tout à fait. Mais oui, être nègre et sidaïque au Front National, c'est être potentiellement au bureau national du parti. Oui, ce serait déjà faire la preuve qu'on est républicain. Oui. Donc c'est déjà beaucoup. Qui d'autre veut réagir sur cette convention de la droite où finalement, le Likoud est aux commandes et on essaye de nous créer une droite cachère. Alors je vois pas bien pourquoi l'utilité, puisque il me semble pas qu'ils en aient besoin, puisque finalement toute la droite est déjà cachérisée. Donc bon, je me pose un peu des questions. Je ne comprends pas bien l'utilité de tout ça. Je trouve tout ça un peu redondant en fait. Mais bon. Que ce soit MacDav ou Titus ou quelqu'un d'autre, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Après tout ce qu'on a dit hein, sur l'organisation de l'invasion, l'Arabie Saoudite qui va aller maintenant à Auschwitz faire allégeance, enfin, c'est quand même fascinant parce que tout le monde est d'accord, tous ces gens-là sont d'accord. Donc le prince d'Arabie Saoudite, hein, qui dans son pays fait couper des têtes aux mécréants, il est d'accord, hein, ils font un islam tolérant, une société ouverte, il va à Auschwitz. Marion Maréchal, elle va dire, l'islam, hein, quand même, là, machin truc, mais oui, il faut être tolérant, faut pas être raciste, etc. Et bien sûr, les juifs, nos amis, je présume qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'aller à Auschwitz. Donc comment se fait-il que ces gens sont d'accord sur tout et qu'ils prétendent s'opposer sur tout? C'est quoi le truc, là? C'est un théâtre, on est bien d'accord. Ah oui, c'est un théâtre. Bah, d'ailleurs, là, j'étais en train de penser, Candace Owens, elle me fait un petit peu penser, enfin, il y a une analogie à faire, à mon avis, avec quelqu'un comme Osam Messia, enfin, Jean Messia, parce que ce sont des gens qui ont bien compris qu'il y avait une niche à prendre pour eux en tant que métèques patriotes. Parce que, ici, comme aux États-Unis, les métèques haïssent d'instinct les partis qu'on leur présente comme étant de droite ou pro-blanc. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus malins et qui se disent, ah, mais en fait, ces partis ont besoin de respectabilité. Si je les rejoins, peut-être que je peux leur monnayer un peu d'être une caution antiraciste. Bon, Osam Messia, il a très bien fait. Enfin, je crois qu'il a un salaire qui dépasse les 10 000 euros net par mois. Ça avait été pointé pendant la campagne électorale. Mais Candace Owens, elle a fait un peu la même chose sur Twitter, juste en étant une négresse pro-Trump. C'est tellement exceptionnel qu'être une négresse pro-Trump et qui s'exprime à peu près bien, ça suffit à devenir célèbre et puis avoir de la notoriété. Et là, on voit Marion Maréchal et sa bande qui veulent s'approprier ce dernier truc. Métèque patriote, quoi. Oui, alors le problème, c'est que les métèques patriotes au Front National, ça fait un peu 30 ans qu'ils le font. Bon, c'est les Farid Smaï et compagnie, c'est pas d'aujourd'hui non plus, quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois, le RN nous vend un truc avec, enfin le FN nous vend un truc. Ah oui, le soupçon de la nouveauté. Alors que c'est des formules, mais réutilisées, tu vois, c'est incroyable. Mais bon, on nous dit ah oui, non mais rassurez-vous, cette fois ça va marcher. Et puis c'est du jamais vu, quoi. Bon, ah oui, un arabe encarté au FN, ça s'est jamais vu. Moi, j'en ai vu quelques-uns à la télévision, pourtant, hein, toutes ces décennies écoulées. Bref. Et Marion Maréchal, alors bon, elle tente son truc. Là, c'est quand même beaucoup plus juif, hein, il faut quand même le souligner. Bon, voilà. Bon, je crois pas que tout ça risque de foutre un seul envahisseur du Congo ou bien du Soudan à la porte. Hein. Ça me surprendrait, quand même. Par contre, il risque de faire entrer beaucoup de juifs et de métèques, ça j'y crois aussi. Tiens, vous pourriez confirmer, vous l'avez peut-être dit, mais je crois pas, parce que j'ai dû m'absenter. Est-ce que le père, le vrai père de Marion Maréchal, n'était-il pas un agent du Mossad? Si. Oui, on a évoqué ça, hein. C'est Roger Hoc. Roger Hoc, oui, salarié par, comment dirais-je, le Mossad, pour aller espionner en Syrie. D'accord. Et par la DGSE, il a su cumuler. Oui, bah, on pourrait se dire, bon, bah, il travaille pour la France, etc. D'accord. Non, mais là, oui, multicarte. Alors, avant qu'on sépare, un dernier tour de table, qu'est-ce que vous voulez dire de tout ça, que ce soit sur cette... Bon, peut-être sur cette convention, je ne sais pas, mais... voilà, enfin, de discussion qu'on a eue là dans la deuxième partie, quoi. Si vous voulez rajouter quelque chose, une précision ou autre. Non, écoute, moi, je veux bien. Fin... Vas-y. Bon, après. Bon, oui, bah, dans ce cas, je trouve qu'il y a une espèce d'évolution qui se voit de Marine à Marion Maréchal, c'est qu'au moins Marine, elle pouvait jouer un peu sur l'espèce de substance, de gouaille que son père avait, et puis Marine, elle a joué un peu Marianne, quoi. C'est Marianne, l'incarnation. Alors que là, Marion Maréchal ne prétend pas faire ça. Enfin, je pense pas qu'elle soit très crédible non plus dans ce rôle. Et j'ai l'impression que Marion Maréchal est encore moins de substance que chez Marine Le Pen. C'est que plus on avance dans les générations dans la baronnie lepéniste, et puis plus moins il y a de substance, et plus ça devient complètement fake et prêt à n'importe quoi pour garder son espèce de rente. Mais ça se voit même à la fameuse école ou à l'institut d'excellence, bon je pouffe, qu'avait fondé Marion Maréchal, parce que ça reprenait vaguement des thématiques du Grèce des années 70-80. Oui, on va faire la bataille culturelle, on va faire gagner la culture de droite, la gauche à la culture, etc. Enfin, elle redisait ce que disaient déjà des gens du Grèce et qui était déjà vrai, en surfant un petit peu sur la vague alt-right. Vous voyez, ça se fait outre-Atlantique, bah, nous on peut le faire aussi, vous allez voir, etc. Et puis en fait, quand on regarde un peu ce qui se passe vraiment à l'ICEP, c'est une espèce de pompage d'école de commerce et de Sciences Po. Enfin, c'est des trucs de coaching, d'entreprise, corporate, un peu de media training, comme ils disent, des choses comme ça, nappé d'une petite couche de soi-disant politique. Et alors là, bah, comme on le disait, ce sont des cadres du Likoud qui vont assurer le côté politique de l'affaire. Donc autant dire que ça n'a vraiment aucune substance et que le but, c'est plus pour quelques-uns qui ont les moyens d'aller dans cette école, de rester entre soi, sous les auspices de quelques villiéristes, Marion Maréchal et son équipe. Mais oui, effectivement, quoi, c'est, on aurait largement tort de croire que cette école va mener la bataille culturelle et renverser la gauche à elle toute seule. Parce que c'est ce qu'elle prétendait hein, au début. Oui, bah... Oui, c'est-à-dire que... Ouais. C'est-à-dire que en gros, c'est le marché pour la droite israélienne pour faire 2-3 laquais pour bosser dans leur publication habituelle, que ce soit l'incorrect, Valeurs Actuelles ou... quel autre, je ne sais pas. Bon, à l'heure des charges. Causeur, par exemple. Voilà. À l'heure des charges, il faut dire que Gilbert Collard est quand même vieillissant, donc il faut bien renouveler le stock aussi. Je dois bien le dire. Il faut aussi dire que Verlaine Jeuny est particulièrement nègre aussi. Hein, c'est sûr. Ouais. Non, mais bon. Qui d'autre sur ce paysage lunaire où. On courtise des juifs qui essayent de nous faire submerger de métèques. Les dynasties démocratiques. Ouais. Oui, la dynastie Le Pen est une malédiction, hein, somme toute. C'est vrai qu'avec la petite fille Marion, nous arrivons à quelque chose d'assez, pas d'assez caricatural. C'est le cirque le plus total, quoi, le cirque hébraïque, avec du Antoven. un machin qui est organisé par un journal qui adoube Rudi Reichstag, l'espèce de négresse à tête d'Iwok qui veut donner le droit de vote aux prisonniers, surtout s'ils sont nègres, des historiens israéliens, enfin bon, des historiens entre guillemets, c'est-à-dire il y a des juifs qui viennent faire leur propagande. Bon. La chose ne devrait pas dépasser en théorie le statut de la blague pour tâche. Ouais, mais il y a des blagues qui durent en France, tu vois, il y a des blagues qui durent. Oui, j'encourage nos camarades à faire en sorte que ce truc-là ne dépasse pas le stade d'une blague. Appel à l'esprit du clown. Hein, il faut un petit peu de. Un petit peu d'humour là-dedans, c'est un petit peu trop sérieux. Disons que c'est poète, chers amis, poète. C'est très marqué par les boomers, hein, cette convention de la droite, ça fait quand même très poussiéreux. On retrouve quand même un peu les vieux barbons qui sont là pour essayer de pousser leur truc, là, les Robert Ménard, etc., bon, qui sont des gens à genoux devant les rabbins. Bon... Tout ça est poussif, ça sent quand même la naphtaline, hein. Et on prétend faire du neuf avec du vieux, parce qu'évidemment, se prosterner devant les juifs, c'est extrêmement neuf, hein, ça s'est jamais tenté par le passé, dans des organisations de droite avec... voilà, sinon, c'est nouveau. Prétendre être antiraciste, etc. Mais tout en quand même prétendant limiter l'immigration. Bon, on se demande pourquoi limiter l'immigration si on n'est pas raciste. Je veux dire, pourquoi limiter l'avenue de gens si on n'est pas raciste? Quel est l'objectif? C'est bien, il y aura plus de gens en France. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trucs, moi? Voilà. Donc, bon, ça continue, en fait, et le seul projet, et tout, parce que c'est marrant, parce que qui c'est qui a ouvert la porte aux Juifs? Ah, une femme, encore une fois, il y a quand même des permanences. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette bonne femme? Bah, visiblement, surtout que Salvini, bon, moi, je pense que Salvini a un grand futur politique, enfin, au plan italien, c'est ce que je veux dire, je pense qu'il a vraiment des opportunités. Mais pour le moment, il est repassé dans l'opposition. Bon, ça peut peut-être décourager. Donc, il n'est pas impossible, je l'ai, que certaines personnes, suivez mon regard, qui escomptent hein, des unions patrimoniales ou des unions matrimoniales intéressées, soient un peu déçues du côté italien et reviennent en France pour essayer de se créer des noms et des carrières. Bon. Bon, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Le Pen, moi j'attends Olympe 2052, quoi, voilà. Olympe Fatima Le Pen. C'est oui, ça. Tu évoquerais des responsables, hein, politique française, maquillés à des politiques italiens qui, une fois en France, iraient... rouler des grosses pelles à des gitons de droite plus ou moins nationale. Évoques-tu cette chose-là, cher ami? Non, c'est juste... Je ne sais pas. Je suis... Moi non plus, je ne sais pas. Ouais. Alors, les amis, sur ce, bonne bar mitzvah. Hein, à cette convention, ça risque d'être animé. J'espère au moins. Comment on dit déjà félicitations en hébreu? C'est Mazel Tov. Mazel Tov. Ah oui, Mazel Tov, Marion. J'espère quand même qu'il y aura un rabbin venu tout spécialement d'Israël pour quand même bénir ses travaux. Ce serait le moins. Il y a Raphaël Antoine, c'est suffisant, hein, cher ami. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par bien des aspects, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Pour ma part, moi, j'ai une autre conception des choses. J'invoquerai plutôt l'esprit, comment dirais-je, du docteur Joseph Goebbels pour la suite de nos travaux à nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Priez pour nous, voilà. Et travaux qui me semblent à la fois plus utiles, plus porteurs, et surtout beaucoup plus productifs sur le long terme, je veux le croire. Je pense que nos travaux sont plus en phase avec la marche de l'histoire, surtout quand on sait observer les, comme dirait l'autre, les signes des temps. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Salut.